Il n'est pas inquiet parce qu'il aime. Il n'a pas peur d'aimer. Il ne souffre pas d'aimer. Bref, s'il ne peut pas faire autrement que d'avoir plus de plaisir à vivre que la majorité des humains, ce qu'on peut appeler l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, les personnes transitives, pour la simple raison qu'il voit plus clair et il voit les choses comme elles sont. Souvent, l'homme ancien ne veut pas voir les choses comme elles sont. Il a peur de voir les choses comme elles sont parce que s'il les voit comme elles sont, possiblement qu'elles ne seront pas comme il aimerait qu'elles soient. Et il préférera vivre avec ce qu'il croit que les choses sont plutôt qu'avec ce qu'elles sont. Mais l'homme ancien a plutôt l'impression que s'il voit les choses telles qu'elles sont, finalement, ça lui fait tellement peur de voir la réalité qu'il a déjà peur d'avoir peur. C'est qu'il se prend au sérieux. Pour avoir accès au savoir instantané, donc à l'intelligence supramentale, donc à son esprit, pour avoir accès à ce savoir, il faut absolument être dans un état d'anégoïsation suffisamment avancé, anégoïsation donc sans égo, suffisamment avancé pour ne pas se prendre au sérieux. Cela veut dire que pendant 25 ans, pendant 850 quelques années, par exemple, dans le cas de certains, tu es convaincu que ce que tu vois ou ce que les choses sont ce que tu penses qu'elles sont. Et soudainement, parce que tu as le contact avec un savoir plus grandiose, plus clair, plus conscient, plus instantané, tu te rends compte que ce que tu as nourri en croyance ou en apparemment en science pendant des dizaines, des vingtaines, des centaines d'années est faux. C'est exactement comme la personne qui, par le savoir instantané, finit par vouloir avoir une réponse très dangereuse. Est-ce que Dieu, comme nous le concevons, existe? Et la réponse qui lui apparaît dans la tête, je donne un exemple, serait non. La majorité des hommes anciens voudront refuser la conscience instantanée pour pouvoir continuer à vivre dans leur conscience mémorielle, celle où, ben oui, ce bon Dieu qui t'aime, qui pense à toi, qui te protège, même si tu meurs ou même si tu perds un bras, qui, etc., existe. Mais c'est-tu vraiment une peur, comme plutôt un mécanisme auquel qui nous échappe complètement? Ben, c'est une peur qui va être engendrée par le savoir qu'a l'homme ancien, parce que l'homme ancien a quand même un peu de ce savoir instantané, c'est une peur engendrée par le savoir qu'il y aura une grande souffrance dans l'ego, donc dans l'âme, lorsque l'âme découvrira que la réalité n'est pas nécessairement ce que l'être humain veut qu'elle soit. Alors, prenons l'exemple encore de celui qui, à un moment donné, vit une illumination théologique. Le prêtre, ceux qu'on appelle les saints, bon, qui n'étaient pas plus saints que toi et moi, mais qui avaient la faculté de supporter un peu plus de savoir instantané que la majorité des autres humains. On n'est pas sain parce qu'on a l'avantage biologique ou génétique d'être capable de supporter plus d'intelligence. Lorsque ces personnes ont un support énergétique, lorsque ces personnes expriment une intelligence instantanée, donc un contact avec l'intelligence supramentale ou leur esprit, appelons ça comme l'on voudra, mais une intelligence qui n'est pas tributaire des mémoires de l'homme. L'intelligence instantanée, ce que moi j'appelle l'intelligence, ce n'est pas de l'intellectuance. L'intellectuance est limitée par le bagage mémoriel de l'homme, l'expérience et l'apprentissage de l'homme, la connaissance de l'homme, et elle est limitée aussi par la faculté qu'a l'homme de se servir de ce qu'il a mémorisé. Hein? Parce qu'on sait que beaucoup d'humains mémorisent, enfin, le subconscient, les mémoires volatiles de l'âme, mémorisent tout ce qui est perceptible par les sens physiques et les sens vitaux, mais que l'homme n'a pas nécessairement la faculté de faire vomir cette mémoire lorsqu'il en a besoin. Donc, il n'a pas la faculté de se rappeler tout ce qu'il aimerait se rappeler. L'intelligence instantanée, elle est instantanée, donc intelligente, parce que je ne vois pas comme intelligent l'être humain qui pense. C'est pas de l'intelligence, le fait de penser. Tu te demandes si tu devrais faire ceci ou cela. Ben, si tu serais intelligent, tu ne poserais pas la question. Tu ferais ce qui devrait être fait. Si tu es intellectuant, tu ne peux pas savoir. Alors, nécessairement, tu vas fouiller dans tes bagages, dans ton bagage mémoriel, pour essayer de légiférer sur ta décision, de façon à pouvoir prendre ce qui te semble le mieux. Et présentement, l'humain n'a pas le choix que de faire ce qui lui semble le mieux, ce qui l'amène à découvrir le bien et le mal après avoir fait un geste, et jamais avant. Alors, je dis souvent que l'homme n'a pas le discernement entre le bien et le mal avant de faire, il l'a après de faire. Peux-tu nous faire goûter ça un petit peu plus encore dans des éléments très concrets de tous les jours? Oui, boîte de l'eau, tu vas voir. Au goûtage. Oui. Est-ce que l'eau est froide ou chaude? Maintenant, tu en as une meilleure idée. Maintenant, en la buvant, tu en as une autre idée. Et tu sais aussi son goût, sa saveur et tout ça. Ça, c'est un savoir instantané. Maintenant, si je te demande comment est l'eau? Ah, c'est une mémoire. Je fais référence à ça. Si tu m'expliques comment est l'eau, tu seras mort. Tu feras référence à tes mémoires. Tu ne pourras pas Donc, connaître l'eau comme elle est. Tu la connaîtras comme elle a été. Donc, pour être vivant, il ne faut jamais se référer à ses mémoires. Oui, et c'est ça qui fait de l'intelligence. Tu as deux plantes, une toxique, une comestible. Toi, tu es relié à de l'intelligence instantanée. Tu as faim, tu prends la plante comestible et tu la bouffes. Dans la mesure parce que c'est stupide de prendre la plante qui est toxique. Mais l'être humain qui fait référence à ses mémoires, s'il ne connaît pas les deux plantes, il ne pourra pas décider. Il devra expérimenter, et c'est pourquoi l'être humain, présentement, est un être expérientiel, pas expérimental, expérientiel, qui se doit d'expérimenter afin de connaître, et qui connaîtra toujours ce que les choses ont été, mais jamais ce qu'elles sont. L'homme ancien n'a pas plutôt l'impression que le discernement, ça s'apprend par la connaissance. On appelle ça la sagesse. Mais ça, la sagesse n'a rien à voir avec la réalité. Oui. Regarde l'exemple. Moi, je donne un exemple. C'est pas moi, mais disons, je suis un être sage et je connais les problèmes du monde. Je sais ce qui se passe en Afghanistan. Je peux juger un être humain. Du moment que je l'ai vu, je sais ce qu'il est. C'est pas de la sagesse, c'est de la connerie. Du moment que tu l'as vu, tu sais ce qui est. Quand tu l'as revu dans 3 semaines, s'il a bien changé, tu te fous de son changement. Tu te rappelles comment tu l'as connu, c'est le même qui est. Donc, tu sais comment le gars ou la fille était, mais tu ne sais pas comment elle est. Et c'est le problème de toute la relation entre les humains. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Non, ça fait 20 ans que tu sais ce que l'autre était. Mais la personne, elle change au cours des 20 années. Oui, mais c'est vrai, puis c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. T'as changé. T'es plus comme. Eh oui. T'étais. Et pourquoi on est content de la voir? Parce qu'on se rappelle ce qu'on a vécu avec. Ah. Et on la voit donc comme elle était. Et souvent, on dit t'as bien changé. Mais c'est rarement, on est rarement content. Bon, évidemment, on est poli. On a appris à te programmer poli. Mais est-ce que réellement tu es content? T'sais, la personne, la fille que tu as rencontrée, tu étais en amour avec, ou le gars pour les femmes. Bon, après 20 ans, tu la retrouves. Hey, t'as bien changé. Ouais, ouais. Ou encore, t'as pas changé beaucoup. Belle connerie. Parce que l'être humain change. C'est pas juste par le corps physique, il change évidemment par le reste. Oui. L'homme connaît, parce qu'à un moment donné, j'animais une émission de télévision et je parlais du savoir et de la connaissance. Et j'expliquais que le savoir, c'est instantané et que la connaissance, c'était expérientiel, mémoriel. Et il y a une personne qui m'a écrit par la suite, qui avait trouvé ça génial, mais elle préférerait que je mette connaissance dans le sens instantané et savoir dans le sens mémoriel. Parce qu'elle parle de connaissance, donc naître avec. Faisant référence, évidemment, j'imagine à Krishnamurti qui est le premier à amener ce jeu de mots. Intéressant. Connaissance, connaître, veut dire naître avec une chose. Donc, si tu nais instantanément toujours avec la chose, tu la connais, donc tu la sais. C'est-à-dire que tu es relié avec elle, la chose que tu observes n'existe plus, l'observateur que tu es n'existe plus, et il n'y a pas de mémoire, il y a de l'instantanéité. À chaque millionième, deux millionième de seconde, et là c'est extrêmement précis, c'est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas l'instantanéité, tu renais avec la chose. Donc tu ne peux jamais penser ce qu'elle était, tu ne dois qu'entrer en résonance avec ce qu'elle est, lui permettant donc de changer son rythme. Maintenant, ce qui est important, c'est que lorsque l'on joue avec les mots « connaissance », effectivement, c'est ce savoir instantané. Mais lorsque l'on parle de la connaissance, comme l'être humain vit la connaissance, ben là, ce n'est pas de la connaissance. C'est des mémoires. C'est comme quand je rencontre quelqu'un qui me dit « moi, je crois dans le sens croître ». Ben, si tu crois dans le sens croître, laisse donc faire le mot « croire ». Parce qu'elle veut faire référence à « je ne crois pas ». Croyance, mais je crois croissance. Oui, mais dans le sens conventionnel, quand quelqu'un dit « je crois », on ne s'attend pas à ce qu'il veut dire « je pousse ». On s'attend à ce qu'il veut dire qu'il y a un attachement émotif avec un concept. Il croit. Alors, il faut faire attention avec le jeu de mots. Donc, la connaissance, c'est la connaissance qu'on a dans des livres. T'sais. Une bibliothèque, c'est assez plein de connaissances. Et le savoir, on peut dire oui, mais le savoir, la bibliothèque aussi, c'est plein de savoir. Faire attention. Appliquons les mots comme l'humain, inconsciemment, les utilise. Savoir instantané, c'est le sujet de la conférence. Est-ce que tu connais que tu vis? Ouais, mais ça se prête mal. Tu sais que tu vis. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu l'as appris. Tu le sais, c'est instantané. Par contre, tu ne sais pas la mécanique, on va surtout dire « je connais la mécanique ». Donc, si tu connais la mécanique, tu l'as appris. Dans le sens « je connais la mécanique ». Je sais où est-ce que je me trouve. Parfait. Mais je ne connais pas où je me trouve. Je connais la place. T'es déjà venu ici. Donc, réellement, comme l'humain emploie le mot « connaissance » et « savoir », lorsqu'il fait référence à « je sais », c'est de l'instantanéité. As-tu vu telle chose, ça doit être telle affaire qui arrive, tu vas répondre « je le sais ». Je suis en train de le vivre, toi aussi. Mais sinon, tu vas dire « ouais, je connais ça », mais tu vas pas regarder. « Je connais ça ». Ton problème, c'est que tu fais une projection « ouais, ça, je sais ça ». C'est là qu'on mélange les mots. Mais normalement, globalement, l'être humain emploie le mot « savoir » lorsqu'il se rapproche d'une instantanéité de connaissance. Et il emploie le mot « connaissance » lorsqu'il fait référence à son bagage mémoriel. Le savoir instantané, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas à l'homme de devoir réfléchir ou de devoir penser. La pensée, on l'a vu souvent, est tributaire, donc assujettie, dépendante des mémoires de l'homme. Tu ne peux pas penser en hébreu parce que tu n'as pas appris, tu ne connais pas la langue hébraïque. Tu ne peux pas penser sur les navettes spatiales si tu n'as pas appris comment est bâtie une navette spatiale. Tandis que l'intelligence instantanée va te donner, et c'est l'un des principes majeurs, une personne qui aimerait savoir si elle a de l'intelligence instantanée, une des lois qui paramètrent ce principe, c'est que tu sais ce que tu dois savoir lorsque c'est nécessaire que tu le saches et tu ne sais rien d'autre. Lorsqu'une personne... j'ai déjà donné l'exemple à un moment donné d'une expérience que j'ai vécue au Guatemala, vu que c'est vécu ici tellement longtemps. Prenons l'exemple juste de Cartier, qui arrive ici avec ses colons, et ceux-là sont tellement épatés par le territoire qu'ils en perdent dedans. Ça s'appelait scorbut à l'époque, remarque. Les Indiens qui savaient qu'en bouffant de l'écorce de bouleau, ils auraient ce qu'il faut pour que l'idée reste en place. C'est pas? Et les Blancs ont été bouffés de l'écorce de bouleau, et il a fallu que l'Indien vienne leur dire « Non, c'est pas l'écorce par-dessus, c'est l'écorce en dedans. » Et le dessus, c'est du papier. Il fait des canaux d'écorce avec ça. C'est l'écorce en dedans. Elle est juteuse. C'est ce jus-là qu'il vous faut. Alors, quelle est la science qui a permis aux Amérindiens de savoir cela? Ils n'ont pas bouffé toutes les écorces de tous les arbres de la forêt pour savoir que les dents ne tombaient pas. Hein? Parce qu'ils seraient rendus compte qu'en bouffant du chêne, les dents tombaient. Bon. Le chêne est trop dur pour le bouffer. Et à un moment donné, l'Indien savait. Le sorcier s'en allait. C'était quoi le sorcier à l'époque? C'était pas juste le gars qui manipulait, parce qu'on avait aussi le chef. Le sorcier s'en allait quelque part. À un moment donné, il transpirait, il jeûnait, il transpirait dans une tente à sueur, à sudation. Pourquoi? Parce qu'il éliminait, on a déjà expliqué dans un séminaire PMC, que l'être humain exprimait son émotion par le système endocrinien, le système hormonal, que ces hormones étaient reçues par des récepteurs spécifiques au niveau du corps. Cela veut dire que si on a peur, si on est colérique, si on est tanné, on sécrète des hormones et le corps va soit accélérer le cœur, soit se mettre à transpirer, soit avoir une peau froide, soit ralentir la circulation, soit tellement ralentir le cœur que tu tombes dans un choc vagal, tu perds connaissance parce que tu as eu une épreuve psychologique. Tout ce qui est émotif est exprimé par le corps. Et il y a une partie de ces hormones qui ne sont pas détruites et qui ne sont pas, disons, rejetées. Elles sont stockées par les greffes, surtout, et par la musculature. Lorsqu'une personne commence à évoluer, elle trouve qu'elle évolue bien. Puis à un moment donné, elle se lève un matin, tout évolué, puis elle est plus impatiente que jamais. Le corps se purgeant, les hormones sont rejetées dans le sang. Dans le sang, elles vont encore faire réagir le corps. Et là, l'humain est convaincu qu'il a évolué, mais se rend compte qu'il est pire qu'avant. Il n'est pas pire qu'avant, mais c'est ce qui va vivre. Notre Indien allait donc dans une tente à sudation. Pourquoi? Pour éliminer les graisses, ce qui rejetait les hormones dans le sang, ce qui permettait à son système excréteur d'éliminer cela. Ce qui laisserait moins de traces de l'ego dans son corps, lui permettant un meilleur contact avec l'intelligence instantanée. Et il jeûnait. Pourquoi? Pour que le corps s'auto-digère, se serve des graisses, et même des muscles s'il le fallait, pour éliminer, purifier le corps. C'était plus compliqué que juste avoir un baptême dans l'eau, mais c'était plus efficace. Lorsque notre bonhomme avait suffisamment éliminé ce qui était des mémoires, des expressions émotives, donc des expressions psychologiques, donc des expressions de l'âme dans son corps, il lui restait beaucoup plus de facilité à rejoindre un contact instantané. Alors, à un moment donné, il allait s'asseoir sur une pierre ou sur n'importe où. Et puis la question, pourquoi il était venu, il l'avait écrit, il l'avait dessiné, parce qu'il ne pouvait pas se rappeler de la question dans cet état. Tu ne te poses pas de questions lorsque tu as un savoir instantané. Les gens t'en posent et tu réponds. Pourquoi je fais des conférences? Lorsque la personne, elle relisait cela, bien, c'était évident pour elle ce qu'il fallait faire. C'était évident. On a eu beaucoup de guérisseurs qui ont fait cela. C'est la science, tous ceux qui avaient la connaissance, ont ramassé ce qui avait été exprimé par ceux qui avaient le savoir. On l'a catalogué et on en a fait une science. On a mis ça dans les écoles et on a dit que maintenant, pour avoir le savoir donné par l'esprit, tu devrais avoir un diplôme. Alors, toi, tu te promènes dans la forêt et tu sais quelles sont les plantes curatives. Tu guéris des gens. Moi, je suis un scientifique, j'arrive là. Je te suis pendant 2, 3, 5, 10 ans. Je note. Et après ça, je rentre à l'Université de Montréal. On fait un cours avec ça. Et on entend parler 10 ans après que tu continues à pratiquer. Alors, il demande poursuivre, pratique légale de médecine. Parce que tu n'es pas venu apprendre ce que tu nous as montré dans nos écoles. Et c'est ce qui se passe. Parce que ce qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui... Ben, c'est des choses que l'humain savait à un moment donné. Hein? On sait que telle plante qui provient d'Afrique du Sud, près du Kalahari, guérit le cancer. Parce que comment on a su ça? On n'a pas été répertorier les 98 000 sortes de plantes du bord du Kalahari. On est allé voir les indigènes, puis tel indigène se sert de telle affaire, il y a tel problème. Puis on se rend compte que ça marche. Alors on prend la plante, puis on analyse qu'est-ce qui fait cela. On l'amène ici, on en fait des médicaments. Évidemment, en Afrique, ils sont trop loin, ils sont trop caves, ils sont trop involués. On les laisse pratiquer le médecine de sorcier. Mais on prend ce qui est de bon dedans pour la pratiquer ici en médecine de science. Et puis, eux autres ont le savoir, ils savent, puis ici, on doit expérimenter, ça coûte cher. Et puis, à un moment donné, ben là, on donne un diplôme. Mais le diplôme prouve que tu as accumulé la connaissance mémorielle de l'homme, mais ça ne veut pas dire que tu auras l'intelligence de l'appliquer, hein, n'est-ce pas? On connaît beaucoup de charlatans dans la médecine douce, mais on peut vous en présenter un paquet dans la médecine conventionnelle. Ils ont le diplôme. Oui, j'ai déjà vu un médecin, moi, qui m'a diagnostiqué chez un enfant un appendicite, alors que l'enfant avait mal sur le côté droit, l'appendicite sur le côté gauche. L'enfant avait pas de manque d'appétit, l'appendicite en donne un. L'enfant faisait pas de fièvre, l'appendicite, c'est une inflation, il fallait qu'il fasse de la fièvre. Tout était contre l'appendicite. Puis le médecin a quand même diagnostiqué un appendicite à l'époque où je travaillais sur l'ambulance pour urgence santé. Alors, on a amené l'enfant à l'hôpital avec un appendicite. Il n'y a pas d'appendicite, c'était sans doute une diverticulite. Mais il était diplômé. Il a le droit de se tromper. Non, il se trompe pas. La maladie peut évoluer. En d'autres choses. Il ne se trompe pas. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence majeure entre la connaissance, très intéressante la connaissance, pour ceux qui n'ont pas l'intelligence instantanée, et la connaissance pourra être amenée à un degré d'efficacité extrêmement parfait par l'homme, par l'intellectuel, la possibilité de logiférer sur les mémoires expérientielles, de rendre logique l'expérience. L'intellectuel se fait au niveau du plan mental. Lorsque le mental est naissant chez l'homme, il reste assujetti à l'émotion, c'est l'intellect. Lorsque le mental se libère, il pourra légiférer sur l'expérience, mais les mémoires expérientielles de l'homme pourront être amenées à un point de sa conscience où l'émotion ne pourra pas pénétrer. Alors, tu te rappelles qu'un chien t'a déjà attaqué. Quand tu vois un chien, tu as peur du chien parce que la mémoire ne va pas à un niveau où l'émotion ne peut pas être éliminée. Quand tu as mémorisé l'expérience du chien, tu as mémorisé aussi la peur que tu vivais avec, tu la colles ensemble. Alors, pour toi, lorsque tu te rappelles le chien, tu auras peur. La personne, et c'est la majorité de l'hémisphère nord de notre planète, lorsqu'elle veut légiférer, elle se rappelle de l'expérience du chien, mais à un niveau vibratoire où l'émotion ne peut pas aller. Alors, tu te rappelles de l'expérience du chien et tu sais que le chien est dangereux. Mais tu n'as pas peur du chien. Tu pourras légiférer l'intellectualisme, l'intellectuel se permet, pour éviter les problèmes du chien. Si tu as le savoir instantané, ben, tu sauras comment est ce chien. Il est différent des autres et tu sauras nécessairement tout ce qu'il faut pour. Hein? Le chien n'est pas dangereux, tu le sauras. Tandis que si c'est de l'intellectuel, c'est des chances que tu doives expérimenter le chien pour savoir s'il l'est ou s'il ne l'est pas. S'il l'est, tu payes encore pour. S'il ne l'est pas, ça peut aller. Bon. Oui? Oui. Qu'est-ce que... Habituellement, la question clé qui revient toujours, toujours, oui, mais moi, l'intelligence instantanée, qu'est-ce que je fous avec ça de tous les jours? Où je gagne ma vie? Comment je suis à monter des boulons sur une voiture ou à faire du secrétariat ou je ne sais trop quoi, ça me sert à quoi? Ça, c'est une question d'homme ancien qui essaierait de sous-tendre le fait que pour faire le travail qu'on fait dans nos sociétés, il faut être capable. Si j'ai l'intelligence instantanée, vas-tu continuer à faire du secrétariat pour l'autre? Vas-tu continuer à placer des boulons pour des autos? C'est l'intelligence instantanée. Oh, c'est pas de question. Tu sauras ce qu'il faut faire. L'être humain qui a une de la connaissance veut par sa connaissance savoir ce qu'il va faire quand il aura le savoir. Bien, évidemment, c'est des questions qu'il ne devrait pas se poser. Mais il se pose. Oui, c'est comme le pauvre qui se dit « qu'est-ce qu'il va faire quand il va être riche? » Commence par être riche. Quand tu seras riche, tu poseras la question. Ça aura plus d'allure. Alors, une fois que j'aurai le savoir instantané, mes boulons, moi, tu verras, tu ne poses pas une question. L'important, c'est de savoir ce que tu vas faire avec. Ou commencer par aller le chercher. Il y a beaucoup d'humains qui vont dire, oui, mais moi, je ne veux pas de savoir instantané. Tu sais, je vais me promener dans le bois, puis là, paf, moi, savoir que c'est comestible. Paf, moi, savoir que... L'intelligence instantanée donne à l'homme le savoir qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. T'as-tu faim? Non. Mais t'auras pas, paf, c'est comestible. Paf, c'est toxique. OK? C'est ça qui est le problème. L'humain compare tellement son phénomène expérientiel mémoriel quand il veut le projeter dans ce que ce serait d'être intelligent. L'être humain qui est expérientiel se doit, lorsqu'il rentre dans une forêt, de tout savoir de la forêt. Parce que s'il est mal pris, il y aura telle connaissance-là. S'il est perdu, il y aura telle connaissance-là. S'il est ceci, il y aura telle connaissance-là. Et s'il ne connaît pas la forêt, t'es sécure, il ne va pas dans la forêt. Savoir instantané, tu n'as pas besoin de te connaître l'univers pour arriver à te promener librement dans l'univers. Te rends-tu compte du phénomène? Qu'est-ce qui fait qu'être humain est si collectif? Il ne peut pas s'en sortir avec son expérience mémorielle. Hey, on est allé sur la Lune! Mais non, il y en a 3 ou 4 qui ont été sur la Lune. On n'a pas été sur la Lune. On a gagné la coupe! Tu joues au hockey? T'es connaître, t'as toujours moins touché un joueur? Mais il y en a plein qui ont rien que touché au joueur par le biais de la télévision. Hein? Il y en a qui prennent le douche pendant les entraques. Ils sont chez eux. Bon. Ces personnes-là ont gagné. Mais comment veux-tu arriver à te décollectiviser, arriver à avoir une conscience individuelle? On reste collectif dans le travail parce que l'intelligence à travailler en société. Sauf que tu n'as plus besoin de l'opinion des autres pour te faire une opinion. Tu prends les informations disponibles et tu te fais une opinion. Puis quand tu as une opinion, tu ne demandes pas à un autre, c'est ton opinion de la lune. Parce que lui, il va te dire que oui ou que non. Puis lui, quand il y en a une, il en demande aussi un autre. Puis finalement, le dernier te le demande à toi. Mais qu'on s'en sort pas, ben. La conscience individuelle, elle est possible totalement que lorsque l'être humain a un contact avec son ajusteur de pensée, que lorsque l'être humain a un contact avec son esprit, l'intelligence instantanée. Parce que sinon, comment veux-tu être individuel dans un monde où toute la connaissance du monde est répartie sur 4 895 000? Tu ne peux pas égoïquement, amiquement, mémoriellement, expérientiellement, te sentir libre quand tu sais que tout ce qui te libérerait est divisé dans les humains. La connaissance. Tu t'en vas dans un autre pays, tu t'en vas dans la jungle, on est allé en Amazonie, tu rentres là, et puis tu te dis, oui, mais là, pour aller ici, il faudrait que je demande un guide. Bon, tu étais avec moi quand on s'est perdu sur une petite île sur le fleuve Amazon, petite île de, comme l'île de Montréal, c'est une petite île, c'est pas. On peut se perdre. Et le guide avec qui on était, ben lui, il n'avait pas la connaissance de la place où ce qu'il était parce qu'on était perdu. Donc, il ne savait pas ce qu'il était. Alors, à un moment donné, il grimpe sur une petite souche, puis il sniffe dans les airs, puis il regarde les arbres, puis attends. D'un coup, ben là, il descend, puis il s'en va par là. Fait qu'on le suit, nous autres, hein? Avec Arbre, hein? On suit. Hein? Bon. Et puis, à un moment donné, ben là, je lui fais remarquer qu'on est perdu parce qu'il ne voulait pas nous le dire. Non, on n'est pas perdu. Je dis, oui, on est perdu parce que moi, je sais que ça fait 3 fois qu'on passe en même plan. Mais j'ai dit, c'est pas grave, ça fait 10 ans que toute la gang ici, on rêve de coucher dans un. Pour le rassurer, parce que si on le rassure pas, il pourra pas se brancher. Si émotivement, il est pas nié, il peut pas se brancher. S'il serait tout seul, il y aura pas de problème, parce que lui, s'il dort, il va s'en sortir. Il est pas nié avec 6 Canadiens, puis 2 Australiens, qui d'ailleurs, eux autres, ont souffert pas mal de ce périple. Bon, parce que c'est des Australiens, vous savez, on leur offre nos gourdes d'eau, ils en veulent pas besoin d'eau. Une fois perdu, ils l'ont bu de l'eau. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, on le rassure suffisamment, puis là, il regarde encore un peu partout, il sait pas où ce qu'il est, puis il connaît pas la place. Puis soudainement, il sait pas où ce qu'il est, mais il sait où il doit aller. Alors, on le suit, il sniffe encore, on le suit, il sniffe encore, on arrive en arrière de sa cabane. Bon. On était parti par en avant, on est arrivé par en arrière. Alors réellement, on était perdu. Puis il n'est pas arrivé dans une région qu'on connaissait, il est arrivé pile sa cabane. S'il avait visé sa mère, ça arrivait dessus. Sauf ça aurait bougé. Bon. Alors réellement, le savoir instantané, ça ne dépend pas de l'intellectuance, ça ne dépend pas de l'expérience, des diplômes que tu as. Ça dépend simplement de ton humilité, c'est-à-dire de ton anégoïsation, qui est plus juste. Notre bonhomme dans la jungle, lui, ben, il n'avait pas un gros égo, parce que finalement, il n'est rien sa planète. En tant qu'égo, il est réellement quelque chose au niveau cosmique. Mais lui, personnellement, il ne sait même pas qu'à Terre est ronde puis qu'elle tourne. Sauf qu'il n'est pas au niveau de l'antique civilisation où on pensait que la Terre était peut-être pas ronde, puis elle tournait pas, mais elle était le centre du monde. Lui, il est même pas au courant qu'il n'est pas ronde. Fait, quand il voit les étoiles, il n'est même pas rendu au point de s'imaginer qu'ils sont attachés avec des cordes sur une voûte céleste. Il regarde, puis il s'en fout. C'est ça, être un égoïque. Pourquoi aller regarder puis s'en foutre? Parce que t'as pas besoin de faire autrement que de penser. Alors, tu trouves de l'énergie. Par contre, quand tu marches, tu mets ton pied là. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un scorpion. Là, c'est pour ça que je mets mon pied là, puis là, je m'en vais. Quand il y a un scorpion là, tabarnouche, on s'intéresse aux astres, hein, mais on marche pas longtemps du pied dans le jungle. Il y en a quelques-uns qui se mettent des souliers parce qu'ils ont appris que c'est dangereux de marcher du pied. Bon. Mais avant ça, ils marchaient du pied, puis tu arrives à rien. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est ce savoir instantané. Il donne à l'homme que ce qu'il a besoin de savoir. Et pour que cela advienne, il faut que l'être humain ait suffisamment de négoïsation pour ne pas vivre l'insécurité de ne pas connaître. Si tu connais bien des choses, tu connais la ville de New York. Tu n'as jamais été à New York, mais tu t'es étudié la carte. Quand tu arrives à New York, tu te sens un peu plus sécure. Mais quand tu ne connais pas la ville de New York, tu n'as jamais vu les cartes, puis soudainement, on te descend à New York, on te laisse là. Si tu as le savoir instantané, il n'y a aucun problème. Tu t'en vas où est-ce que tu dois aller. Tu ne connais pas les noms des rues, mais tu arrives là, tu prends le téléphone, et oui, tu cherches un téléphone. C'est intelligent d'aller où est-ce qu'il y a un téléphone. Le chameau arrive à trouver de l'eau dans le désert sans savoir où est-ce que c'est l'eau, puis sans connaître toutes les cartes hydrographiques du désert. L'homme, non. Mais le chameau, oui. Alors, l'homme devrait être capable de trouver un téléphone à New York. Le chameau peut trouver de l'eau enfouie à 3 pieds sous terre dans le désert, avec les dunes qui se promènent tous les jours. Bon. Alors, notre être humain, s'il est anégoïque, il n'aura pas peur. S'il n'a pas peur, il saura ce qu'il a besoin de savoir. Et s'il sait ce qu'il a besoin de savoir sans avoir peur, ben, il pourra l'exprimer. Ça paraît farfelu. Ben oui, pour des gens qui sont habitués à devoir connaître pour se sentir sécure. Mais on revient encore à nos Indiens qui bouffaient l'écorce des bouleaux. Ils bouffaient la bonne. On revient à toutes les peuplades qui sont partout sur la planète. Juste le fait d'expérimenter humainement. L'indigène perdu dans la jungle, qui lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il tourne. Et à un moment donné, il a le feeling. Parle-là. Il prend pas de points, il n'y a pas de boussole, pas besoin de rien. Le gars qui sa boussole, il faut qu'il prenne la mer. Puis après ça, il faut qu'il s'organise, marcher droit dessus. Et à un moment donné, il y a un marécage, 3000 de long. Là, il faut passer des tours. Là, il faut qu'il revienne en face du marécage pour trouver son amère. Fait que 3000 de long, ça fait que veut pas, ça y prend une journée à faire le tour dans la jungle. Hein, c'est 1 000 et demi comme ça, 1 000 et demi par là, sans compter tout ce qui peut arriver. Notre indigène, lui, il s'en va, il y a un marécage, il contourne, quand il arrive là, il continue son chemin, puis il tombe en bonne place, puis il ne se pose pas de questions. C'est l'avantage qu'il a. Savoir instantané, tu ne peux pas te poser de questions, parce que si tu te poses une question, c'est que tu impliques déjà le fait que ce que tu veux savoir, tu ne le sais pas. Et si tu as le savoir instantané, ben, tu le sais, si tu as besoin de le savoir, donc tu ne poses pas de questions. Mais qu'est-ce que tu poses une question? En effet, c'est difficile à digérer. Non, mais c'est ça, c'est pas fait pour digérer. Non. Logique relevant du viol, que si un jour tu te fais violer, tu pourras vivre à travers. Alors, le fait d'apprendre tout ce que je dis, ça mène nulle part. La personne doit simplement vibrer des choses, elle laisse couler des choses. Il y aura des heurts dans son ego, c'est-à-dire qu'elle est convaincue que ça se peut pas, puis à un moment donné, ben, on va donner des choses qui sont évidentes. T'sais, le fait que le gars qui enseigne à l'université enseigne des choses qui ont été apprises à l'extérieur de l'université, et maintenant qu'il enseigne, ben, ceux qui leur ont appris ne peuvent plus pratiquer. Mais c'est un fait. Alors, digérer, il faut faire attention. Il ne faut pas digérer. On n'est pas ici pour apprendre. On est ici pour passer le temps. Vas-y. Alors, cette fameuse anégoïsation qui nous amène à l'instantanéité. Comment s'y prendre? Pour y arriver. Parce que normalement, on s'y fait prendre. On s'y fait prendre. On n'a pas le choix. comment un être humain qui a... Le gros problème, c'est que chez vous, vous êtes divisé en deux parties. Ben, certains en 3, 4, 15, là, mais disons en deux majeures. Il y a la partie émotive qui fait référence aux mémoires. Vous aimez ce que vous connaissez, vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. L'ego a deux fonctions majeures, celle de s'exprimer pour savoir qu'il vit. Alors, il aura les jeux, il aura la peinture, l'art, il aura la construction, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'art en faisant des édifices, en étant architecte, en étant, décorateur, en étant placier, en étant boursier, en étant médecin, en étant... Parce qu'il y en a qui c'est de l'art, la médecine. Je reconnais que c'est de l'or noir, mais enfin, il y en a qui c'est vraiment intéressant. Il y en a qui se forcent à faire quelque chose de bien. Pas tous. Mais il y en a. S'il y a des médecins ici qui ne me croient pas, je vous le dis, il y en a. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc notre ego qui a le besoin de s'exprimer et il a aussi le besoin d'être nourri. C'est les lois fondamentales de l'ego parce que si mémoriellement on ne réinstruit pas toujours les mêmes mémoires, t'oublies. Loin des yeux, loin du cœur, ben c'est ça. Sauf si c'est une photo, ben là, au moins, tu peux te réénergiser, ça l'aide un peu. L'intelligence instantanée ne s'appliquant qu'à l'être humain qui n'a pas ce phénomène référentiel des mémoires, étant donné que l'être humain est divisé en deux parties, la partie égoïque, mémorielle, qui pense, qui désire, parce qu'on désire seulement ce que l'on connaît, hein? On ne peut pas désirer un auto qui n'existe pas. Si on envoie la photo, on pourra en vouloir une comme ça, mais on ne désire que ce que l'on connaît. L'exemple le plus évident, c'est que inventez-moi une couleur dans vos têtes, bien, on ne sera pas capable, on va toujours devoir faire référence à une couleur qui existe. Si on n'aurait jamais vu de jaune, on ne serait pas capable d'inventer la couleur jaune. On ne serait pas capable. On inventerait un mélange de bleu et de vert, on inventerait des couleurs. On n'arriverait pas à faire une couleur primaire. Une fois qu'on l'a vu, ah, parfait, maintenant on l'a en tête. Inventez-en un autre, on ne peut pas, sauf si on a le savoir instantané. Mais sinon, puis savoir instantané, ben, demandez-moi pas si j'ai trouvé d'autres couleurs. C'est stupide de faire ces recherches-là, ce qui fait que je n'ai pas trouvé d'autres non plus. Bon, je me contente de ceux qui sont là. OK? Bon. L'être humain a donc une partie extrêmement émotive, celle qu'on appelle la psychologie. La psychologie, c'est la relation qui va exister entre la mémoire dans l'homme, entre les désirs de l'homme et les émotions vécues dans l'homme. Tout cela est dans l'âme. Ce qu'on va appeler psychose vient du mot âme, logie, science qui étudie l'âme, psychologie, et ce que moi j'appelle le corps astral. Bon, c'est un terme qui est plus juste que l'âme. L'âme fait trop référence à l'apprentissage émotif du phénomène mémoriel de l'homme. L'âme est trop colorée d'émotions. T'sais, on doit sauver notre âme, alors que l'âme, c'est le gros problème dans l'homme. C'est l'esprit qui doit prendre la place, puis l'âme ne veut pas. Et ça, on revient là-dessus dans une conférence prochaine. L'âme est ennemi de l'esprit. Bon, pour l'instant, c'est une chose. C'est la prochaine conférence. C'est la prochaine? Non, ben c'est intéressant. Bon. Alors donc, lorsque l'être humain vit de ces deux blocs, lorsqu'il apprend à découvrir quelque chose de neuf, c'est comme celui, à un moment donné, qui voit son grille-pain et qui ne marche plus, ben, il peut se dire, « Ouais, mais là, qu'est-ce que je fais? Je ne connais même pas personne pour le réparer. » Celui qui a un peu plus de contact avec son esprit, qui est un peu plus dans son intelligence, il va se dire, « Ben, m'en voir ce qu'il y a. Prends un navet, tu le vires de bord, tu le tournes un peu, tu le défais. » Quelqu'un à côté, n'est-ce pas, un homme ancien, une femme ancienne, pourrait dire, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais même pas ça, les grille-pains. » C'est pas une raison, mais c'est une raison de bien des choses, qui n'est pas plus une vraie raison. L'autre, non, mais moi, je suis patenteux. C'est quoi être patenteux? C'est que l'ego a appris que quand elle faisait confiance à l'instantanéité du savoir, elle était souvent récompensée. C'est ça, le patenteux. Il démonte un moteur la première fois, puis il arrive à le remonter pareil. Il n'a pas appris. C'est pas une raison. On n'a pas besoin d'apprendre pour savoir. Alors, tu défais le grille-pain, tu tripotes un peu, puis tu organises une bébelle. D'un coup, tu vois quelque chose, tu essayes ça. Puis là, tu le connectes. C'est sûr que celui qui, à un moment donné, est connecté sur la mémoire astrale, puis ça, on pourrait revenir dans la période de questions, de certains patenteux, ben lui sera le gars à fouiller avec un couteau dedans. Tu sais, il marche pas, là, prendre un couteau, qu'est-ce qu'il y a, là? Bon, ça, c'est celui qui a un désir très inefficace, puis qui a aucun phénomène légiférateur. Donc, il n'y a pas de mental. Il n'y a même pas à peine de l'intellect. Il y a bien de l'ego. Bon, prendre un autre. OK? Puis à un moment donné, on replante, on remet le grille-pain, on met deux toasts dedans, on essaye, puis ça marche ou ça marche pas. Mais si ça marche pas, puis tu te choques, tu te prends au sérieux. Si ça marche pas, puis ça te dérange pas, ben c'est parfait. Tu es en train d'arriver à la négoïsation. Comment on y arrive? On se fait surprendre à être anégoïque. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on veut aller faire du ski, puis qu'il pleut, puis que ça nous dérange pas. Ben c'est ça. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est pas parce qu'il se met à pleuvoir, tu rentres en transe. Pas ça. Ça te dérange pas. T'as une crevaison, puis il fait moins 40, puis 11 heures du soir sur une petite route de campagne, puis ta femme te dit « Pas vrai, pas une crevaison, hein? » Bon, elle, elle refuse. Tu réponds « Non, non, non, pas une crevaison, des trous dans la route. Jusqu'à Montréal. Elle va vivre mieux. » Ou bien non, tu réponds simplement « Ben, si c'est une crevaison, c'est une crevaison, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va changer la roue. » Ça, être anégoïque, ça demande pas, ça demande juste ça. Sauf que l'humain, ça demande l'observation, ça demande des petites choses. Il reste on se surprend à être plus humble. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est pas l'humiliation, c'est pas de... tu sais, je suis humble, tu viens pour éternuer, là. Je peux déranger personne, moi. C'est pas de l'humilité, ça. Ça, c'est de la médiocrité. C'est pas pareil. L'humilité, ça ne se vit pas en face des autres, ça ne se vit pas en face des arbres ou des nuages pour les hauts spirituels. C'est pas... L'humilité, c'est simplement qu'en toi, tu te prends plus au sérieux. T'as une crevaison? Ben oui. L'univers, c'est pas fendu le cul pour t'aies pas de crevaison parce que t'es pas assez important. C'est ça, être humble. Être humble, ça veut dire qu'il se passe de quoi t'acceptes. Ta roue de secours est dégonflée parce que voilà un mois, t'as eu une autre crevaison, puis t'as pas pensé que l'univers t'en remettrait un autre dans un mois. Fait que tu l'as pas fait réparer tout de suite. Mais tout ce que tu as à te dire, c'est que psychologiquement, tu te fais charrier. T'es tellement émotif que tu vis d'espoir. J'espère que je n'aurai pas un autre. C'est pas mental. C'est pas intelligent non plus. Parce que les choses sont ce qu'elles sont. C'est pas l'homme qui les change. Alors, la personne qui voit ça, bien, elle peut, si elle a suffisamment d'anégoïsation, bien, elle va rire. L'autre va dire, « Hey, c'est pas drôle, t'as deux flats. Une dans la valise, puis un sur roue en avant. Pas drôle. » Toi, tu réponds, « Non, c'est pas drôle. » Et pourquoi tu ris? Ben, je ris de moi. Ça, c'est drôle. Hey, c'est drôle de voir comment qu'on se fait fourrer tout le temps. On est intelligent, on est brillant. Puis on se fait avoir. Ben, ils sont géniaux en sacrable. Qui ça, on se... On, l'être humain. Qui sont géniaux? Personne. C'est ça qui est intéressant chez l'homme. Il est manipulé au bout par personne. Oui, l'être humain est manipulé continuellement par la conscience collective, par le monde astral planétaire, mais ce n'est pas personnifié. Ce n'est pas une personne. Et la manipulation dont souffre l'homme n'est pas intentionnelle. Est-ce que l'intelligence instantanée, c'est quelqu'un? Ou si c'est personne? Non, dans le contexte psychologique de l'homme, ce n'est pas quelqu'un. Sauf qu'un jour, tu seras intelligent. Tout. Mais c'est pas une personne qui te descend sa tête, qui ouvre une petite porte, qui pénètre en dedans, puis qui dit « Coucou, le maître est rentré! » C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu te promènes, trimbalant ton bonhomme avec toi, puis lui, il te dit tout. C'est pas correct si tu fais là, là, ta gueule en haut. C'est pas ça, l'intelligence. Oui, imaginez-vous rentrer avec le maître supramental dans un bordel. Ils passeront pas à porte. Ils seront pas assez haut. Ça marche pas comme ça. L'être humain, c'est quoi? Quand tu dis à un enfant de 12 ans, un jour tu vas être adulte. Parce qu'à un moment donné, il y a un adulte qui frappe puis qui pénètre l'enfant puis qui lui dit maintenant tu es adulte. Faut que tu refoules tous tes mécanismes infantiles. Faut que tu fasses plus ci, fasses plus ça. Maintenant tu es un homme ou une femme, ça se fait plus. Non. À un moment donné, l'enfant apprend parce qu'il est programmé. Hein? On appelle ça l'éducation, là, mais en tout cas, bon. Il apprend à être un adulte, puis lentement, il se rend compte qu'il est un adulte qui pue un enfant. L'intelligence instantanée, lorsqu'elle rentre chez l'homme, chez la femme ou chez l'enfant, bien, c'est simplement ceci. C'est qu'à un moment donné, tu regardes dehors, puis tu te dis « Merde, il pleut! » Puis tu te dis en même temps « Ben oui, il pleut! » Ça, c'est de la négociation. « Ben oui, il pleut! » L'ego, au niveau de tout le monde, finalement, ça sert à quelque chose, c'est, une c'est de l'intelligence comme telle. Oui, c'est bon que tu amènes le point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'un escalier, c'est fait avec une marche, celle sur laquelle tu es placé. Oui. Ou celle qu'ils ne peuvent pas atteindre. Non, c'est trois. Ben, c'est le palier en haut. Mais l'être humain est convaincu qu'un escalier, ça n'a d'intelligence que si ça contient que la marche sur laquelle tu es. Alors, un jour, tu étais chez Krishna. À un moment donné, tu montes de marche, puis là, t'es convaincu que les Krishna, c'est toute de la foutaille, c'est de la marde, c'est de la manipulation, ça devrait être interdit, on devrait passer des lois, on devrait acheter des canons. Il devrait se passer quelque chose. Bon, on devrait engager les pyromanes. Quelque chose. À un moment donné, de ta secte, tu passes à une autre chose. Ah, puis là, ta secte, là, tu t'es fait la roue pendant 5 ans là-dedans, ils t'ont tout pris ton argent, ils t'ont amené où ce que t'es. Ouais, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ça n'a rien à voir. Ils savent pas ce qu'ils font, eux autres non plus. D'ailleurs, comme n'importe qui ici, c'est pas ce qu'ils font. Mais ils le font bien. Alors, il y a énormément, parce que l'être humain ne voit pas cosmiquement comment fonctionne la gestion planétaire. Tu achètes un billet à la loterie, tu gagnes. L'autre n'achète un, il perd. C'est comme ça. Tu fais n'importe quoi. Le résultat n'est pas nécessairement tributaire de l'homme, parce que l'être humain vit dans un écosystème qui le rend nécessairement assujetti au mouvement d'autrui. Et c'est pourquoi le libre-arbitre total n'existe pas. Sauf si tu es tout seul dans un désert et que tu ne désires que d'avoir du sable. Là, tu auras le libre-arbitre total. La journée que tu désires d'autre chose que du sable, il y a des chances que tu commences déjà à souffrir de cette illusion du libre-arbitre total. Bon. L'être humain qui, à un moment donné, finit par se dire « Ouais, mais tu sais, en fin de compte, c'est l'ego qui nous nuit. Puis c'est tout l'astral, puis nos mémoires, nos expériences. Comment c'est qu'on a ça? On ferait bien mieux de s'en débarrasser. » C'est pas ça qu'ils ont voulu faire à un moment donné, mais on peut quand même se référer sur une île particulière à Haïti où on a fait l'expérience d'éliminer de l'homme son contexte amique et tout ça. Alors, par certains rituels qu'on appelle le vaudou, on arrive à purger un être humain, non pas de son corps vital et de son âme, mais exclusivement de son âme. On conserve son corps vital dans le corps physique, donc le corps reste en vie. Et on appelle ça un mort vivant. Ah oui, c'est ça. C'est une personne qui te dit « lève le bras, lève le bras ». Puis tu t'en vas coucher, tu reviens un an après, elle a encore le bras levé, sauf s'il est tombé du sol. Elle n'a pas d'intentionnalité, elle n'a pas de désir, elle n'a pas d'émotion, elle n'a plus d'âme, donc elle n'a pas de mémoire, elle n'a rien. Alors, évidemment, l'âme permet quoi? L'âme permet à l'être humain d'avoir un ego. L'ego permet à l'être humain de grossir son ego, de nourrir. Ça amène l'humain dans des expériences qui sont de sataniques à diaboliques à yaviques, etc., spirituelles. Ça amène l'humain à se prendre au sérieux, à être convaincu à un moment donné que lui doit vivre, que lui ceci, que lui cela. Hein? À un moment donné, tu piles son ombre et tu l'insultes. Puis on doit pas s'insulter, puis on doit foncer dans la vie, puis on doit, bon, tu sais, tout le paquet de cochonneries qui finit par amener des sociétés inécologiques, où l'être humain est toujours convaincu d'être le boss, alors que continuellement, ben, tu sais, quand la lumière est rouge, elle est rouge, puis quand il y a un mur là, ben, passe pas là de ton char, ça passera pas. L'être humain continue à vivre cela jusqu'au moment donné où son ego l'amène à continuellement vivre des illusions à partir de ses illusions. Il n'a pas ce qu'il veut. Nécessairement, il se force à créer un nouveau processus chez lui, l'intellect. Il pense, il essaie de réfléchir logiquement. Ça va créer des Archimèdes, ça va créer des Copernic, ça va créer un paquet de bonhommes qui, à un moment donné, vont instruire l'homme qu'il est faisable de penser de deux façons. La pensée émotive, « Ah, que c'est beau! » Puis la pensée logique, « Tasse-toi et ça tombe! » Deux phénomènes. Alors, il y a donc deux phénomènes qui peuvent nous permettre de dire « Il pleut encore, maudit! » Puis le gars qui annonce à la radio « Demain matin, ennuagement, possibilité de pluie, 20%. » Bon, ça, c'est l'intelligence logique, intellectuelle. Et, l'émotivisation des mémoires, qui est l'intelligence émotive, l'astral, psychologie. Lorsque l'être humain arrive à ces deux phénomènes-là, il se rend compte qu'il découvre l'intellect. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de désir au niveau de son ego, puis il veut tellement pas souffrir la désillusion, qu'il se force pour arriver à aboutir dans ses désirs. Donc, il veut être efficace dans ses désirs. Je veux ça, puis je vais m'organiser pour l'avoir. Pour t'organiser pour l'avoir, il faudra que tu cesses de penser émotivement, puis que tu commences à te servir de ton expérience au point de vue logique, le mental. Et là, l'ego permet, à son insu, la création du corps mental. Et le corps mental est la seule chose qui peut un jour entrer en contact avec l'intelligence instantanée, ce qu'on appelle aussi l'intelligence supramentale. Mm-hmm. Donc, ceux qui ont de l'ego et ceux qui ont toutes ces choses-là, c'est parfait. C'est que finalement, il y a un bon nombre de personnes qui ne savent pas quel métier ou quelle profession qu'ils utilisent, mais cette profession ou ce métier peut faire en sorte que, malgré eux autres, ils vont s'en égoïser. Comme par exemple un homme d'affaires. Mais on s'en égoïse toujours malgré soi. L'homme d'affaires, il devra s'en égoïser de temps en temps. Le problème de l'homme d'affaires, c'est qu'il n'a pas encore nécessairement, pas tous, la majorité, 99,999%, n'ont pas encore cellularisé la négoïsation, c'est-à-dire qu'un homme d'affaires sera capable de jouer certains genres de rôles ou de jeux en affaires parce qu'il comprendra qu'à un moment donné, il y a un échange d'énergie. Tu sais, il faut que ça fasse l'affaire des deux parties. Puis quand il rentre à la maison, ben l'autre partie, là, c'est plus ça. Ça fait son affaire. Quand il regarde les notes de ses enfants à l'école, il ne demande pas à ses enfants « Est-ce que tu es content de tes résultats? » Non, non, il veut savoir si lui est content des résultats de l'autre. Tandis qu'en affaires, il fera plus attention. Alors, évidemment, l'homme d'affaires qui, à un moment donné, veut réussir, se doit d'être un peu plus anégoïque. Sinon, il y aura des problèmes stomacaux, il y aura des problèmes de cancer, il y aura des problèmes pulmonaires, il y aura des problèmes... cardiaques. Évidemment, cardio-circulatoires. Il y aura un paquet de problèmes parce qu'il s'exprimera ailleurs que par la parole. Hein? Et donc, l'intelligence instantanée ne te permet pas de contrôler la peur. L'intelligence instantanée ne te permet pas de contrôler ton stress. L'intelligence instantanée ne te permet pas de contrôler ta gêne. Quand t'as un contact instantané, t'as pas de peur, t'as pas de gêne, t'as pas de stress, t'as pas de contrôle. Hey, celui qui est courageux, un homme nouveau, celui qui a un contact avec l'intelligence instantanée, n'est pas courageux. Mais tu viens bien de dire il n'y a pas de contrôle. La personne n'a pas de contrôle. Non. Ça veut dire que finalement, il n'y a aucun ego, il n'y a aucune analyse, il n'y a rien qui fonctionne, tout ça. Pas besoin. L'être humain veut absolument être au courant de ce qui se passe. C'est un peu comme si un être humain faisant l'amour serait là, « Hey, je fais l'amour. Tabarnouche, je fais l'amour. » Hey, c'est bien beau, mais il vivra, ça sera pas génial, son affaire. Parce qu'il veut savoir ce qu'il fait. Et à un moment donné, il ne sait plus ce qu'il fait. Là, il tombe dans ce que j'appelle la vie. S'il tombe dans ce que j'appelle la vie, il ne peut pas mémoriser ce qu'il fait. Il y en a qui vont dire, oh, un instant, après une relation sexuelle, je me rappelle comment c'était. C'est faux. Il y a encore des traces endocriniennes dans ton corps qui continuent à te stimuler. C'est ça que tu goûtes. Pas la relation sexuelle pendant qu'elle était dans l'extase. Ça, tu ne la goûtes plus. Ce que tu penses avoir mémoire de ça, c'est même pas ça que t'as, c'est la trace mémorielle laissée par les hormones après. Il y en a des hormones qui sont sécrétées pendant l'orgasme et ces choses-là. Ça s'en va pas, paf, de même après. Ça reste là. Il reste qu'une mémoire, ce n'est qu'une mémoire, c'est-à-dire une empreinte qui n'est pas nécessairement la réalité. Ah oui. C'est l'ombre de quelque chose. Alors, l'homme nouveau, celui qui a le contact avec l'intelligence instantanée, effectivement, ne contrôle pas. Est-ce que présentement, vous êtes à contrôler un taureau? Vous allez me dire, non, il n'y a pas de taureau. Et voilà. Alors, pourquoi contrôler la peur quand il n'y a pas de peur? Chez l'homme ancien, il doit devenir courageux. Il en a fait une vertu. Ça fait encore partie des mécanismes de l'orgueil de l'homme ancien, celui de se dire que parce que j'ai... C'est un peu comme si tu disais, regardez, il y a beaucoup de gens, des fois, qui n'aiment pas ça quand je parle de merde. Mais c'est intéressant, ça frustre leur ego puis ça brise des formes un peu. Parce que de la merde, c'est quelque chose qui est essentiel sur la planète Terre. S'il n'y en aurait pas, on aurait des maudits problèmes de santé. Bon. Alors, la personne qui, à un moment donné, a de la merde sur son genou, la vertu d'avoir la vertu contraire au défaut de la merde, c'est de mettre un papier doré par-dessus. Le courage, c'est une vertu. Pourquoi? Tu contrôles ta peur. Ouais, mais l'intelligence, c'est de ne pas avoir peur. C'est pas d'être courageux. Le courage, ça ne sert à rien. Hein? Alors, le courage, c'est le papier d'or que tu mets par-dessus ta merde. Ouais, l'intelligence, c'est pas de merde, donc pas d'or. Alors, celui qui a un savoir instantané, ça paraît pas. C'est pas un gars courageux. C'est pas ceci, c'est pas cela. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai debout, ça me piquait sur le pied. Alors, je lève ma jambe, puis je me gratte. Il y a quelqu'un qui me dit, hey, t'es paresseux en maudit. Je comprends pas. Il dit, tu sais, tu te penches même pas pour te gratter. C'est énergétiquement plus économique de lever la jambe quand tu as souplesse pour le faire, de gratter, que de te plier en deux pour aller le gratter. C'est pas de la paresse, c'est de l'économie d'énergie. C'est comme de dire, tu sais, t'es paresseux, t'as une centrale hydroélectrique. Nous autres, on est travailleurs, on a des centrales au charbon. Ouais, peut-être, t'sais, tu mets ton charbon, puis tu pollues, puis tu sais. Ouais, t'es peut-être bien travaillant, mais t'es peut-être con aussi. D'ailleurs, c'est une vertu d'être paresseux. Quand tout marche. Oui, l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il veut faire, l'homme nouveau? Il veut tellement intelligencer. L'intelligence instantanée, c'est pas là pour que l'homme continue à chasser. Si un jour on peut fabriquer de la nourriture en laboratoire et qu'elle est extrêmement bonne pour l'homme, ben, elle est parfaite. T'sais, c'est comme le retour à la nature. Le retour à la nature, il peut être de deux ordres. Comme l'homme ancien spirituel veut le faire, on retourne à la nature, chalet en bois rond, chauffage au bois, puis tu vas prendre de l'eau à la source ou ben non, à pompe, tu sais, puis c'est la trop nature. Trop moderne, trop moderne. Tu couches avec 3-4 couvertes, tu sais, puis c'est retour à la nature. L'homme nouveau aussi fait le retour à la nature. Il se bâtit un dôme, puis pendant que les robots font le ménage, ben il s'en va marcher dans le bois. Un retour à la nature. C'est un retour à la nature. Sauf qu'il y en a un qui est tout à fait aberré par des concepts qu'il ne comprend pas, puis il y en a un qui est libéré par sa science et par ce qu'il comprend. Comment faire pour y arriver finalement? Parce que l'homme, de par son ego, on vient d'apprendre que ça en a une intelligence. Mais, l'ego? Bien sûr. Ben, c'est intelligent. Ça sert à quelque chose. Non, l'ego n'a pas d'intelligence. Non, par contre, il y a intelligence qui est un ego. Qui est l'ego. L'ego a une fonction. Oui. Et même si l'âme et l'ego ne sait pas ce qu'il fait, je répète qu'il le fait bien, parce qu'il est en manipulé, il n'a pas le choix que de bien le faire. Comment on parvient au savoir instantané? Premièrement, il y a des conditions qui sont intéressantes. Il faut avoir un ego et avoir un âme. Donc, il faut être capable de broyer et de maudire l'univers de temps en temps. Bon, d'être chialeux. Autrement dit, il faut être un homme ancien. Okay. Suffisamment avancé pour être bien, bien ancien. Peux-tu faire la différence tout de suite entre l'esprit et l'âme? L'esprit, c'est quelque chose qui ne provient pas du plan planétaire. C'est donc quelque chose qui ne fait pas référence aux mémoires de l'homme sur le plan terrestre. L'âme d'un enfant, l'âme, c'est le récipient dans lequel va s'accumuler la mémoire. Elle sera chimique au niveau de l'hippocampe. Elle sera chimique au niveau du corps calleux du cerveau, du cervelet, du bulbe rachidien. Et lentement, par des, disons, des mécanismes que c'est un peu long d'expliquer au niveau énergétique, par le phénomène, disons, atomique des neurones dans leur dépolarisation, etc., ça engendre un courant électromagnétique, l'énergie vitale, qui lui va lentement transformer les mémoires de cette âme et on va lentement accumuler de l'expérience dans l'âme. Vers 2-3 ans, l'enfant va cesser de parler de lui à la troisième personne. Il va commencer à s'identifier et il va commencer à prononcer son nom et à dire « je ». Bon. L'enfant a un ego maintenant qui est suffisamment cristallisé et l'âme va continuer à accumuler de la mémoire et l'âme va donc être un processus qui, finalement, ne voudra pas mourir et qui aura peur de la mort du corps physique parce que l'âme, donc l'ego, la psychologie, n'est pas convaincue que lorsque le corps physique meurt, qu'elle sait encore qu'elle est là. Quel est le meilleur mécanisme, finalement, pour arriver à cette anégoïsation, mis à part du travail? Le meilleur mécanisme pour arriver à son anégoïsation, c'est d'avoir plein d'idées puis de désirs, puis de manquer son coup tout le temps. Et puis d'en parler. Ça, c'est le meilleur moyen pour arriver à être anégoïque. Si on a suffisamment d'énergie pour supporter une vie dans de telles conditions. On appelle ça une initiation. Bon. Normalement, l'être humain préfère des petites initiations lentes, ça fait qu'il va se marier. Il peut avoir des enfants pour pouvoir... plutôt prolonger. Plus vite, oui, pour être initié un peu plus. Certains vont se lancer en affaires. Et puis, ceux-là avancent plus vite. Parce qu'il faut bien faire attention. Le degré d'évolution d'un être humain n'est pas, ne peut pas faire référence à son porte-monnaie. À son compte en banque, à son portefeuille, ou à sa maison, ou à, etc. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, prenons un homme d'affaires qui est extrêmement riche, qui est millionnaire, puis à un moment donné, on le prend, je l'explique souvent, j'ai déjà fait l'expérience avec un extraterrestre, n'est-ce pas? on le déshabille, puis on le met quelque part dans un trou, puis on prend un pauvre. La cité sociale, on le déshabille, on le met dans le même trou, puis on leur dit, le trou est en plein milieu d'une forêt, puis on leur dit, voilà, maintenant sortez-vous-en vivant. Celui qui s'en sort vivant, c'est le plus venu. C'est pas celui qui, dans la société, a réussi à manipuler les structures pour arriver à avancer. Mais normalement, le gars riche s'en sortira mieux que le gars pauvre. Normalement. Pas toujours. Normalement. Le degré d'évolution d'un être humain, c'est sa faculté qu'il aura de redevenir instantané pour pouvoir se sortir d'un pétrin. Il y en a qui vont se suicider. Hein? On a eu un crash à un moment donné, puis on sait qu'à New York, un paquet de personnes travaillaient à la bourse qui se jetaient carrément en bas des ponts, alors que tout était à refaire. Quand tout tombe, c'est le temps de bâtir, parce que ça monte, ça marche. Sauf que vu que ta mémoire, l'âme, la mémoire de tout ce que tu avais, bien, la mémoire, tu ne peux plus la nourrir, il n'y a plus rien. Alors l'âme préfère dire que ça ne vaut plus la peine de vivre. Mais tu ne vis pas pour ton âme. Ça vaut la peine de vivre. Mais pas pour l'âme. Bon. Alors l'être humain qui veut continuer, hein, il peut fonctionner. On assiste de temps en temps à ce genre de choses pendant les crises. Quand Onassis a fait fortune comme ça. Finalement, c'est pas... C'est quelque chose... C'est quelque chose qu'on peut... Tout à l'heure, ben... Finalement... Je réponds à ta question, il reste plus beaucoup de temps pour la première partie, il reste quelques secondes. Bon. C'est que l'ego, ça peut être... il veut. OK. C'est qu'on peut pas prendre ça comme un travail... Puis non, plus comme non plus comme un hobby. Finalement, on prend ça comment? Bon, l'évolution, ce n'est pas un hobby, sauf qu'on peut avoir en hobby l'idée d'évoluer. L'être humain évolue 24 heures sur 24. Sauf que l'être humain évolue 24 heures sur 24, puis il peut s'allouer 2 heures par jour où il est conscient qu'il évolue, ou 2 heures par semaine où il va être conscient qu'il évolue, ou 2 heures par année. Et va dire, moi, là, je me mets 2 heures par semaine pour évoluer. OK, bon, mais ça veut dire quoi, être conscient? Ça veut dire que conscient, ça veut simplement dire qu'il pense que c'est là qu'il évolue. 1 heure par semaine de yoga, tu sais, c'est là que j'évolue. Non, t'évolues quand tu déboules les escaliers, t'évolues quand t'allumes ton char, t'évolues quand tu rentres à la maison, t'évolues quand tu manques l'autobus, t'évolues 24 heures sur 24. T'évolues quand tu dors. Tout sert. Là, oui, c'est évident, tout sert. Mais des fois, il y a bien des choses qu'on fait. Tellement à l'homme ancien qu'à un moment donné, il trouve qu'il n'y a plus de temps. Faire ce qu'il y a à faire. Ça sert. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on évalue, on ne voit pas l'intelligence d'allumer un char. L'idée, simplement, c'est ça. C'est que l'homme nouveau, bon, l'intelligence instantanée apparaît. Tout le monde a ce contact avec le savoir instantané. De toute façon, il y aura les questions lors de la deuxième partie. Alors, ceux qui trouvent qu'on n'en a peut-être pas parlé assez de certains points, ben, au moins, il y a l'intelligence déplacée sur papier. Si c'est pas une question, mettez au moins le point. Et puis, on pourra par la suite pousser un peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'homme, chacun ici a ce contact, ce n'est pas question de race, c'est question de système neuronique, surtout endocrinien. Ce n'est pas question d'âge. Un homme nouveau peut avoir 75 ans, 82 ans, 300 ans, ça n'a rien à voir. Et, hein, un homme ancien peut avoir 2 mois, ça n'a rien à voir non plus. Ce n'est pas question d'habillement, etc. Et l'homme, la femme a ce savoir instantané, sauf que bien souvent, elle ne supporte pas de l'avoir parce qu'elle ne connaît pas son savoir. Alors, l'exemple, c'est que tu as un problème et soudainement, tu vois la solution. On ne te la dit pas dans ta tête. Tu la sais. Et là, tu peux te la dire dans ta tête. Et là, tu y penses, tu trouves ça génial. Puis après ça, le problème, c'est qu'après ça, tu vas voir quelqu'un d'autre qui est mort, qui est dans ses mémoires, puis tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses de la solution? Mais l'autre, il peut dire que c'est bon, il peut dire que c'est pas bon. Alors, l'être humain ne peut pas développer ce savoir instantané pour la simple raison qu'il ne veut pas supporter d'avoir une conscience seule. Il préfère demander l'opinion des autres. Si l'intelligence instantanée est le résultat de l'anégoïsation, comment peux-tu dire que certains corps physiques génétiquement plus évolués sont plus aptes à recevoir cette intelligence? L'ego est-il une condition génétique? t'as mal perçu la forme de la question parce que tu la lis avec une énergie qui ne va pas avec la personne qui l'a écrit. Ça, on appelle ça de la négoïsation. Parce que c'est une question qui fait quelque chose chez toi, fait que tu l'ego résiste, puis... Bon. Si l'intelligence instantanée est le résultat de la négoïsation, comment peux-tu dire que certains corps physiques génétiquement plus évolués sont plus aptes à recevoir cette intelligence? Effectivement, c'est une question drôlement intelligente. L'ego est-il une condition génétique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ici, enfin tout le monde, enfin vous l'avez pas nécessairement vécu, mais vous le savez que si une personne boit de l'alcool, psychologiquement, elle change. Et l'alcool est un véhicule matériel qui est absorbé par un corps matériel. Et étant donné que le système neuronique, donc le cerveau, est altéré dans sa conduction électrique, disons chimio-électrique ou bio-électrique, sa conduction nerveuse, la dépolarisation des axones entre les neurones, ben, étant donné que cela va être perturbé, normalement ralenti, et étant donné que la vitesse n'est pas la même, on sait, certains savent du moins, les autres, ben, vous allez finir par l'apprendre à un moment donné, que... Pardon, que lorsqu'un courant électrique circule dans un conducteur, il y a un champ électromagnétique perpendiculaire au conducteur qui est dégagé et ça va dépendre de la quantité d'électrons qui va passer ainsi que la vitesse de prolifération des électrons. Lorsque le cerveau fonctionne plus lentement, la consistance électromagnétique qu'il va dégager, les ondes alpha sont une forme, disons, de ce champ électromagnétique, les ondes alpha, les ondes bêta, etc., qui vont être dégagées seront différentes, ce qui nécessairement va impliquer au niveau de l'ego. Parce que l'âme entre en contact avec le corps de l'homme par le corps vital, c'est-à-dire par l'énergie intra-atomique qu'il y a entre le corps, entre les atomes qui constituent les neurones du cerveau, entre autres. Et cette énergie vitale, elle est aussi le paramètre, l'enveloppe de ce que l'être humain appelle l'âme. C'est pas un contenant solide dans lequel on peut boxer, mais c'est quelque chose qui existe dans des plans qui sont un peu au-delà de la matière. Lorsque l'être humain a un corps physique qui nécessairement est toujours en train de sécréter un paquet d'hormones pour rien. La personne, elle sort dans la rue, puis il y a quelqu'un qui apparaît devant elle à 5 pieds, 10 pieds, 15 pieds. Puis la personne, elle est toujours... Ben voilà, elle exprime immédiatement quelque chose, ce qui fait qu'à la longue, depuis son enfance, aller jusqu'à l'âge adulte, elle aura tellement appris à avoir peur que nécessairement, elle construira un ego très particulier. L'éducation est importante dans la cristallisation d'un ego orgueilleux, donc un ego qui s'exprime trop, ou d'un gros ego, et dans la constitution d'un petit ego. Il y a la génétique qui détermine ce que vous êtes. Si vous naissez avec un cerveau en moins, disons, on a deux hémisphères cérébraux, si vous naissez avec un hémisphère en moins, ben vous aurez des problèmes. Même si ce que, selon certains concepts, ce qui veut se réincarner dans le corps est ce que vous voudrez, ben, si le corps ne peut pas le recevoir, ça sera bien compliqué. Lorsque l'être humain vient au monde, il est génétiquement conçu, il aura donc des tendances. Il y a par la suite ce qui va finir de vous former, le milieu, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'expérience, tout ce que vous allez mémoriser de votre naissance aller jusqu'à maintenant. Mais ce que vous allez mémoriser va être évidemment coloré, va dépendre de votre faculté de vivre biologiquement. Donc, si vous êtes continuellement ivre, vous n'aurez pas la même consistance émotive, vous n'aurez pas les mêmes désirs, vous ne serez pas la même personne que celui qui aurait été éduqué sans alcool. La même chose pour la drogue, la même chose pour plusieurs phénomènes physiques. Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qu'on va rencontrer dans certains pays et on voudra les éduquer pour en faire des humains comme nous autres. Ben, ils n'y arriveront jamais. Pourquoi? Parce que génétiquement, ils ne sont pas conçus pour être ce que nous sommes. Ils ne pourront donc pas supporter de l'intellectuance comme nous la supportons, ils ne seront pas mentales et ils n'auront pas dans ce corps physique un contact avec l'intelligence supramentale. Sauf si une mutation complète s'opère dans le corps physique de leur vivant. Ce qui se fait, ce qui se peut, et c'est ce qui vous permet à vous autres d'avancer dans la vie. Et à un moment donné, étant donné que l'être humain cellularise son évolution, cellularise donc, mute génétiquement son code nucléaire, ben, cette évolution devient transmissible par la procréation génétique. Donc, les enfants ont l'avantage d'avoir eu ses parents. Être un égoïque, il faut comprendre ceci. Lorsqu'une personne, c'est comme être en paix. Est-ce qu'être en paix dépend de la génétique? Être calme. Ben, c'est sûr que si tu es hyperactif, que tu prends des médicaments, tu seras calme. Donc, ça passe encore par le corps physique. T'es stressé, on te donne un antipsychotique léger. On peut te donner un calmant musculaire comme le Valium. On peut te donner d'autres médicaments. Et bah, ça te calme. C'est par le physique qu'on passe. On te fait un massage, c'est par le physique qu'on passe, etc. La personne, elle va dire, j'ai évolué, je suis plus calme. Comme il y en a plusieurs qui évoluent avec la drogue. Et ils se sont convaincus, oui, mais quand je fume, j'arrive à d'autres paliers, je... Parfait. Donc, en fumant de la drogue ou en se piquant, ou etc., il arrive à augmenter son taux vibratoire physique, ce qui permet à une expression différente d'être véhiculée par lui. Donc, il a l'apparence d'évolution. En même temps, il y a un paquet d'effets secondaires parce que la drogue, pour donner l'effet, doit s'appuyer sur l'énergie vitale du corps, ce qui va faire en sorte qu'il y aura des résultats négatifs au niveau du corps pendant qu'il y a des résultats positifs. Puis, étant donné que l'âme fait une évolution mémorielle, et qu'elle souffre toujours de voir sa mémoire changer. C'est pour ça qu'on souffre de la mort de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Lorsque l'âme doit revenir à son niveau vibratoire, elle perd ce qu'elle expérimente. On appelle ça le bad trip, et la personne souffre. Lorsque l'être humain doit prendre un médicament pour être calme, lorsque l'être humain doit faire du yoga ou certaines choses pour être calme, ou lorsque l'être humain doit se droguer pour vivre des phénomènes d'évolution, il altère son corps physique et nécessairement l'expression de sa psychologie ainsi que l'expression de l'intelligence sera changée. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas son seul maître. Il reste assujetti à ses techniques. Au Valium, à d'autres médicaments antipsychotiques, à la drogue, aux techniques comme le yoga, ou etc. Lorsque l'être humain cellularise ce qu'il vit, nécessairement, cela implique une mutation génétique dans le code de l'ADN des nucléoles de ces cellules. Pas nécessairement du corps au complet, mais soit du système endocrinien, soit du système neuronique, et normalement, c'est neuronique. Alors, nécessairement, un jour, la personne cesse de se droguer, puis elle garde le même état. C'est cellularisé. Elle cesse de faire ses techniques, et elle reste calme. C'est cellularisé. Tandis que habituellement, lorsqu'une technique est mal enseignée ou mal pratiquée, lorsqu'une technique devient une philosophie de l'âme, donc une philosophie de la vie, comme les arts martiaux peuvent le devenir, comme le yoga peut le devenir, ça peut aussi être autre chose. Mais normalement, c'est des trucs mémoriels qui rendent l'homme esclave des techniques. Ben, normalement, ce qui va arriver, c'est que la personne, tant qu'elle pratique ces choses, elle a l'illusion d'être cela. Elle ne l'est pas. Je suis en paix lorsque je fais ces techniques, et lorsque j'arrête les techniques, je ne suis plus en paix. Donc, la paix appartient à la technique, elle n'appartient pas à l'homme. Mais comment peut-elle appartenir à l'homme si l'homme cesse d'altérer son corps pour avoir cette paix? Ben, y a une façon. Que l'homme change son code génétique, donc ait une mutation, cellularise son évolution et nécessairement, plus besoin de technique, il est maintenant en paix. S'il a un enfant et que sa femme ou que son mari vit le même phénomène, ben, évidemment, il y a de fortes possibilités que l'enfant ait, dans certains de ses caractères génétiques, comme caractère dominant, la paix. La paix, simplement qu'il aura un corps physique qui n'exprimera pas d'une façon tout à fait débile un paquet de choses qui se passent, on dit dans sa tête, mais en réalité, dans son âme. Donc, la génétique est importante. Celui qui a une mauvaise génétique de naissance, ça n'empêche rien, parce que la vie vous mute. Comment pensez-vous que l'être humain est arrivé depuis qu'on est l'homme de Cro-Magnon? À avoir des doigts fins, à avoir un corps plus élancé, à avoir une musculature qui, lorsqu'il prend quelque chose, il écrase pas tout. Parce qu'au lieu d'avoir un cerveau qui contrôle, disons, 80 ou, disons, 800 cellules musculaires en même temps, ben, on a maintenant un cerveau qui a établi de nouvelles conductions nerveuses et on peut prendre un papier et écraser 8 cellules musculaires en même temps au lieu de 800. Et si on veut rajouter quelques cellules, on met plus de force. Et un peu plus de cellules musculaires, on écrase un peu plus et un peu plus et un peu plus et un peu plus. On rencontre de temps en temps des personnages qui ont une génétique encore un petit peu archaïque au niveau biologique. Ça n'a rien à voir avec le reste de leur évolution, mais au niveau du corps physique. Et ils vont serrer la main à quelqu'un et nécessairement, ils l'écrasent. Je ne parle pas de celui qui a trop d'ego et qui a lu dans un livre que serrer la main fort, c'est avoir de la personnalité. Non, non, il prouve qu'il est un gars, pas que de la personnalité. Parce qu'on peut détecter, bon, c'est un gars quelque l'autre. De la personne qui, bonjour, elle est bien honnête, elle n'a pas d'ego pantoute, ben, elle t'écrase la main, son cerveau comprime trop de cellules musculaires, nécessairement, elle aura de la force. Trop de force. Alors, comment le corps a-t-il pu changer évolutivement? Par nos philosophies, par les cierges qu'on a allumés? Non. Parce que l'être humain de son vivant mute son corps et par la procréation génétique, il crée un corps un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux et finalement mauditement mieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'être humain est plus intelligent, a plus de possibilités que les êtres de l'Antiquité. On va dire qu'il y a le milieu qui a changé, oui, mais ce milieu ne pourrait pas être supporté par un être qui aurait une biologie ou une génétique de l'Antiquité, à part dans quelques rares exceptions. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on a un Léonard de Vinci qui nous pousse la planète, ou qu'on a tel ou tel autre fou? Simplement que génétiquement, on a des cons, et à un moment donné, on a un génie. Puis normalement, à cette époque-là, ils n'ont pas d'enfants, ces génies-là, ce qui nuit un peu. Or, la génétique est extrêmement importante. Et lorsque l'être humain vit de son vivant, il mute son corps. Il y a une mutation neuronique et endocrinienne, une mutation nucléaire reliée au nucléole, au noyau des cellules. Et lorsque l'être humain se conscientise vers ce que j'appelle l'intelligence instantanée ou l'homme nouveau, pas parce qu'il veut, parce qu'il est obligé, il n'a pas le choix, ça se fait tout seul, nécessairement, il mute. Alors, à un moment donné, il découvre, la personne transitive, elle découvre qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Elle ne peut plus l'être. Alors, il va dire, j'ai évolué. Oui, le corps a changé. 50 ans à pratiquer une technique qui amène la paix. La 51e année, on est trop faible pour pratiquer la technique, puis on perd la paix. Sachez que vous avez au moins la paix de la technique. Pourquoi mon évolution m'indiffère-t-elle quand je n'ai pas mangé depuis 3 jours? Je désire évoluer pour tout contrôler, selon mes désirs. Y a-t-il une différence entre désirer le savoir instantané et désirer la toute-puissance pour se satisfaire pleinement? Chaque désir est le même mécanisme, expression orgueilleuse de l'ego. Le désir ne peut être vécu par l'ego, et lorsque l'ego désire le savoir instantané, il doit savoir en partant qu'il ne l'aura jamais. Première chose que je dis aux personnes qui font le séminaire PMC1, le séminaire sur l'homme nouveau, et ça les frustre un peu, je leur dis, vous êtes tout fait avoir. C'est vos égos qui sont inscrits au séminaire, puis tout le séminaire a passé notre temps à démolir l'ego. Alors effectivement, il y en a qui vont arriver. Tu es inscrit pour vouloir évoluer, quand tu vas sortir d'ici, tu ne trouves peut-être plus évoluer. Tu as constaté que tu évolues. Alors à un moment donné, il faut cesser de vouloir, il faut observer que c'est du cas-là, sinon on passe notre temps à vouloir ce qu'on a déjà. Pourquoi mon évolution m'indiffère-t-elle tant quand je n'ai pas mangé depuis 3 jours? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps physique est bâti d'atomes. Les atomes se interrelient par des connexions ioniques, covalentes, etc. Et ces énergies-là qui sont attractives, répulsives, on passe par de certains détails, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle va être suctionnée pour servir de paramètre à l'âme. Elle va être suctionnée aussi pour pouvoir servir de véhicule d'expression endocrinienne à l'âme. Lorsque l'être humain vit de la peur, il s'épuise. C'est normal. La psychologie demande au corps physique de créer des hormones, de faire bouger le corps, de brûler de l'énergie. Vu qu'il en manque, le corps s'épuise. Lorsqu'une personne n'a pas mangé depuis longtemps, l'âme ne peut plus puiser dans le corps tout ce qu'elle a besoin pour bien se sentir. Alors, elle commence à foquer un peu au niveau de la tête, au niveau de l'émotion, elle devient irritable, plus colérique, plus impatiente, parce que l'âme se sent insécure, il n'a plus le contexte énergétique pour le nourrir. Alors, la priorité, étant donné que l'âme, c'est ce qui prive, c'est ce qui prime dans l'homme ancien et dans l'homme transitif, nécessairement, il va obliger le corps à aller bouffer. Tu évolueras quand j'aurai la sécurité. Et c'est pourquoi la personne a cette difficulté-là. Je désire évoluer pour tout contrôler selon mes désirs. On n'arrivera jamais à contrôler selon ses désirs. Je plante un grain. Une graine, je l'arrose et je veux avoir une fleur. Ça sort et je me suis fait avoir, c'est un brin d'herbe. Ou c'est une fleur qui n'est pas comme j'aurais pensé, parce que je le dis souvent. Dans la tête de l'homme, il y a tout ce que l'homme veut, tout ce que l'homme voudrait, tout ce qui aurait dû être, tout ce qui pourrait être, tout ce qui aurait pu être. Puis à l'extérieur, il y a ce qui est. Il y a ce qui est, c'est tout. Alors, vouloir arriver, je désire être capable, la lune, je ne l'aime pas. C'est une lune. Alors, je désire pouvoir la manger. La personne va me dire non, non, non, l'instant, j'ai un désir évolué pour tout contrôler selon mes désirs. Elle va dire oui, mais je désirais pas une affaire impossible. C'est là que ça se complique. Ou tu désires et tu veux que tous tes désirs arrivent, ou tu penses désirer puis tu désires juste qu'on te permette de désirer. Faut désirer des choses possibles quand même. Moi, je veux gagner à la loterie. Ça. Lorsque 60 000 personnes dans le Canada achètent des billets de loterie, on sait qu'il y en a un sur les 60 000 qui va gagner le gros lot. Ça veut dire que si les 60 000 personnes continuent à acheter un billet de loterie, tout le monde va gagner d'ici 8 ou 900 ans. Alors, il y en a qui devront se réincarner souvent dans le même lot puis continuer à acheter des billets, parce qu'un jour, ils vont gagner, c'est sûr. Ça, c'est évidemment, c'est calculé si ceux qui gagnent une fois ne gagnent pas deux fois. Alors, c'est quoi les désirs intelligents? Non, mais moi, je désire simplement une petite vie heureuse, puis... c'est pas, je veux pas que le feu pogne chez moi. Fait que... Non, c'est ça qu'il y a. C'est que ce que l'être humain désire, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Moi, je ne désire absolument rien. Ça ne m'empêche pas de faire des choses. Parce que souvent, l'homme ancien va se dire, oui, mais si je désire pas faire ça, je le ferai pas. Non. J'ai déjà expliqué le même phénomène. Si tu souffres de voir un écureuil se faire blesser, tu vas aller te sauver l'écureuil. Si tu souffres pas de voir l'écureuil se faire blesser, ben, tu te fous de l'écureuil. C'est l'homme ancien, ça. Mais moi, je ne souffre pas d'avoir un écureuil blessé, mais étant donné que je vois l'intelligence écologique de l'aider, ben, je l'aide. J'ai pas besoin de désirer l'aider. Ça va de soi. Quand vous avez soif, devez-vous attendre de désirer boire pour boire? Non, hein? Vous buvez. C'est plus simple. Le désir n'est pas essentiel à l'action lorsqu'on voit l'intelligence d'être actionnel. Y a-t-il une différence entre désirer le savoir instantané et le désirer la toute-puissance pour se satisfaire pleinement? Lorsque l'ego désire de la puissance, nécessairement, il va l'exprimer sous forme de pouvoir. Parce que quelqu'un qui a de la puissance, puis qui s'en fout, puis qui se décrotte le nez comme n'importe qui, c'est un homme nouveau. Mais il n'y a pas un homme ancien, il n'y a pas un égo sur la planète qui va avoir de la puissance, puis qui va être capable de continuer à être ce qu'il était sans puissance. Et il n'y a pas un homme ancien qui va avoir de la puissance, puis qui va être capable de le dire à personne. Nécessairement, il va le muer en pouvoir. Le pouvoir corrompt. Oui, pas la puissance. Mais l'homme corrompt la puissance. Puis après ça, le pouvoir corrompt l'homme. Alors donc, lorsqu'une personne désire la toute-puissance pour le satisfaire pleinement, sachez une chose, c'est que l'ego ne sera jamais satisfait. L'ego est manipulé par deux processus, celui de la sécurité qui l'empêche de bouger et en même temps l'intelligence instantanée qui le botte de temps en temps pour qu'il change. Alors tous vos désirs seront éternellement à refaire. Je désire un avion. Un Boeing 737. Paf, tu l'as. Tu sais plus rien d'autre. Tu pilotes ton Boeing, tu t'en vas. Et à un moment donné, ton Boeing, il vient plate en sacre bleu. Je désire, c'est ça. Désirer être éternel, puis après ça, vous allez pouvoir éternellement désirer d'autres choses. On doit faire ce qui se doit d'être fait, autrement dit, on accomplit. Il neige, tu veux sortir avec ton auto, tu pètes. Tu ne veux pas pelleter parce que c'est une perte de temps, c'est une raison intelligente, peut-être. Alors, tu t'achètes une souffleuse, ça va pelleter pour toi. Ou tu payes les petits gars du voisin parce que lui, ben, ça va être intelligent, qu'il travaille un peu, puis qu'il apprenne la gueule de suite à gagner un peu son pain. Il ne charge pas cher. Oui, mais la neige, on ne l'aura pas. Moi, je déménagerai bien dans le sud. Déménage dans le sud. Puis tu iras t'acheter un petit livre d'histoire, puis tu apprendras que toute la société réellement évolutif, vit là où il fait froid. Oh, mais en Floride, je connais du monde qui achète tout ce qu'ils ont des États-Unis d'Amérique du Nord. Ah. Et descend au Mexique, descend au Guatemala, descend au Honduras, continue à descendre jusqu'au verre de feu, pour te rendre compte qu'il y a un problème. Alors, l'être humain peut désirer bien des choses. C'est évident qu'égoïquement, il peut arriver à certains résultats. Tant qu'il n'y a pas de guerre, tant qu'il n'y a pas de ci. Il y a une personne, à un moment donné, un moine, qui me disait, oui, mais dans un monastère, on est bien en tabarnouche, c'est le bonheur parfait. Oui. On n'est pas dépendant, on est dépendant de personne. On a nos jardins, on a nos bébelles, on est libre. Je dis, oui, tant que les murs restent là, puis tant que l'extérieur ne voudra pas les chanter, tu vas être libre. Autrement dit, tu es dans l'illusion d'être libre. Parce que s'il y a une guerre qui éclate, puis qu'on décide que ton monastère va servir à quelque chose d'autre, ben, tu seras libre, libre, libre de t'en aller. Alors, l'être humain qui gagne, gagne jamais. Gagne jamais. La seule façon de gagner, c'est de désirer tout ce qu'on a. Ça dit qu'il neige, je désire qu'il neige. Il pleut, je désire qu'il pleut. Ça, t'es sûr d'avoir satisfaction. Si nous avons tous quelquefois un contact avec l'énergie, il doit arriver de temps en temps que l'on soit humble à ce moment précis et que l'énergie passe. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas le faire consciemment? Savez-vous ce que c'est que d'être humble? C'est de ne pas savoir qu'on est là. À l'instant même où vous êtes capable de vivre sans savoir que vous vivez, c'est gagné. Autrement dit, chaque fois que l'être humain ne pense pas, ou ne pense pas à lui, ou ne pense pas pour lui, il est humble. Vous marchez quelque part sur la rue, dans la forêt, n'importe où, sous le pont d'un bateau, puis soudainement, ben, vous regardez dehors. Vous ne pensez plus. Donc l'ego, c'est plus qu'il existe. Nécessairement, vous êtes humble. Vous voyez des oiseaux, vous voyez des nuages. Puis là, celui qui se fait ramasser par son ego, parce qu'il y a suffisamment de pièges subtils, il se met à philosopher, tu sais, d'où vont les nuages, d'où viennent les nuages, à quoi sert un nuage. Puis là, il vit plus. Là, il vit plus, là. Il pense vivre parce qu'il vit mémoriellement, il est mort. Alors, à un moment donné, là, l'autre passe à côté, puis là, rien. Hein? J'ai déjà expliqué encore l'idée du vieil Indien qui est assis sur son balcon, puis qui fait rien. Là, il y a un black qui passe en avant, puis... Il pense, tu veux le maudit paresseux? Ben, l'Indien, il est peut-être pas paresseux, il se berce, puis il vit. C'est pas d'être paresseux que de vivre. Mais on peut avoir un autre qui est assisté social, peut-être, ou qui l'est pas. Il est peut-être qu'il a gagné la loterie. Il est sur son perron, puis il se berce, le mec. Avec son Walkman, ses oreilles. Lui, c'est un hostie de paresseux. Parce qu'il vit plus. Il écoute des trucs enregistrés, des mémoires. Il se coupe de tout l'extérieur au complet parce qu'il ne veut plus rien savoir du monde dans l'univers. Il n'y a que lui et lui seul. Il veut bloquer toutes les quêtes au complet. Alors, il ferme ses paupières. J'ai déjà été campé avec un gars qui était comme ça. Pendant qu'on se baignait dans un lac naturel, ben, il était couché avec son manteau parce qu'il gelait puis il écoutait sa musique. Puis j'ai déjà vu pire à un moment donné. Il y en a un qui avait amené ses cassettes d'oiseaux. Alors, l'humilité, c'est quoi? Quand vous riez, vous savez peut-être pas, mais vous êtes humble. Parce que quand vous riez, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas chaud, vous ne souffrez pas, vous n'avez pas peur, vous ne pensez pas à demain, vous ne pensez pas à hier, vous ne pensez pas à vous autres. Vous êtes. Et vous êtes humble. Et nécessairement, à un moment donné, le problème de l'homme, c'est qu'une fois qu'il est fini d'être lui, ben, il veut être ce qu'il était. C'est sûr être ce qu'on était. L'ego, c'est quelque chose dans lequel on qui s'identifie, ce qu'on appelle le moi, qui ne peut savoir qu'il est là que s'il observe ses traces. De par lui-même, il ne sait pas qu'il est là. L'ego, c'est un peu comme la couleur brune ou la couleur, disons, rouge. C'est pas rouge, mais disons rouge. Tout est rouge. Les verres sont rouges, l'eau est rouge, papier est rouge, c'est rouge, je suis rouge, ma peau est rouge, t'es habillé rouge, tout est rouge. Mais il n'y a pas un humain sur la planète qui va être capable de savoir que c'est rouge. Il n'y aura pas de point de référence. Ça va être con de dire c'est rouge. Ça n'a pas de sens. On parle de la vie parce qu'on connaît la mort. On parle du loin parce qu'on connaît le proche. Alors l'ego, il est dans un monde où il n'y a que lui. Il ne peut donc pas se connaître parce qu'il ne peut faire de référence. J'ai expliqué souvent que l'ego, c'est comme le bonhomme qui marche dans la neige et qui n'a pas de perception de lui-même. Il se retourne, il voit ses traces dans la neige et parce qu'il voit ce qu'il a fait, il sait qu'il est là. Il ne peut savoir qu'il existe que par ce qu'il fait. Alors, nécessairement, l'ego s'exprime pour savoir qu'il est là. Puis de corps physique, il est plus sûr de s'exprimer. Il aura donc peur de la mort du corps physique. Est-ce qu'il sera plus sûr qu'il va savoir qui est là? Parce que l'âme, c'est immortel. Mais à un moment donné, ça ne sait plus que sa vie. Mais pour l'âme, c'est la mort. T'sais, être là pour pas savoir que t'es là, c'est comme pas être là. Bon. L'ego, donc, est un phénomène qui doit absolument s'exprimer. Lorsque l'être humain est humble, ben c'est parce qu'il s'exprime plus, l'ego. Donc, l'ego, c'est pas qui est là. Instantanément, si c'est pas qui est là, il prend pas de place dans le corps. Instantanément, c'est l'intelligence qui prend le dessus. Mais l'intelligence prend le dessus en fonction de la capacité qu'a le corps physique de supporter le contact. Alors, on aura une petite ouverture, une fermeture. C'est l'ajusteur de pensée qui fait ces choses-là. À un moment donné, l'homme arrive à communiquer avec son ajusteur de pensée. Il ne parle pas dans la tête comme un maître qui parle. Hein? J'ai déjà expliqué comment, je le répète encore pour les personnes qui n'étaient pas là. C'est comme de vouloir dire, tu regardes un paysage, tu écoutes, tu vois un nuage tomber à terre, là, tu vas dire, hey, c'est drôle, qu'est-ce qui s'est passé? Si l'ajusteur de pensée agit dans l'humain, l'humain va dire, hey, c'est bizarre ce qui s'est passé. La parole a été ajustée. Nécessairement, la pensée devient ajustée. Et l'être humain, de plus en plus, finit par se diriger vers la réalité des choses. Maudit fou! C'est-à-dire, le mot fou ne voudra pas sortir. C'est inajusté. Alors, il y aura de l'ajustement qui va se faire. La personne, lorsqu'elle est humble, ben, effectivement, elle est simplement plus rien. N'étant plus rien, ben, elle peut se permettre d'être tout. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire consciemment? Parce que lorsqu'on veut le faire consciemment, c'est parce que l'ego mémorise le contact. Donc, l'ego désire le contact. Puis, tant que l'ego qui est là, qui attend le contact, il ne peut pas avoir de contact. C'est exactement comme si vous rentrez dans une pièce, ce que l'ego fait dans le corps de l'homme. Vous rentrez dans une pièce qui ne peut contenir que votre corps, puis un trou en haut, puis vous attendez que l'eau rentre. Vous voulez de l'eau. Sortez, l'eau va rentrer. Ouais, mais si je sors, je ne saurais pas que l'eau rentre, puis je pourrais pas en bénéficier de l'eau qui rentre. Bon, ben rentre. Puis si je rentre, plus de place pour l'eau. C'est ça. L'intelligence, c'est que tu sois là pour la voir venir, mais non que l'eau rentre. Mais l'intelligence au niveau cosmique, c'est que l'être humain devienne une expression de l'esprit, de l'intelligence instantanée, qui est vous autres. Mais là, un peu plus que belle lurette. Et lorsque l'ego est là, pour pouvoir expérimenter le contact, il n'y a pas de place pour le contact. Lorsque l'ego s'en va lentement, il y a un peu plus de contact qui rentre. L'ego dit « Hey, ça vient! » Il revient au coton pour en bénéficier. Puis il ne conserve que la mémoire du contact, parce qu'il repousse nécessairement l'intelligence. Alors, comment le faire consciemment? C'est simple. Il y a des moyens. Des moyens. C'est pas long. Je vais m'expliquer les moyens. Il y en a 128. Il n'est pas qu'ils ne sont pas encore inventés. Il y a des moyens de travailler sur son corps physique pour améliorer la condition biologique du corps physique. Nécessairement, si l'ego désire arriver avec le contact supramental, c'est pas en priant le Dieu supramental de venir y gratter la tête. C'est simplement en travaillant sur son corps physique. Nécessairement, il va l'améliorer. L'améliorant le rend plus solide. L'intelligence pourra commencer à venir le chercher. Travailler sur son corps vital permettre au corps physique d'avoir suffisamment d'énergie pour supporter un contact. Travailler sur son âme, c'est-à-dire découvrir qu'à un moment donné, il s'est charrié, il est manipulé. De quelle façon développer suffisamment le mental pour observer. Les gars, là, j'ai peur encore. Faut-tu être par là? À un moment donné, l'ajusteur vient t'ajuster. Faut-tu, c'est tout tard là d'avoir peur. Parce que l'être humain qui voit qu'il a peur, il n'est pas con. Hein? Celui qui voit qu'il est con, il est intelligent pour voir qu'il est con. Donc, il n'est pas con. Alors, l'être humain finit par, en travaillant sur différents plans terrestres, à obliger les contacts avec les énergies supérieures, qui sont son propre esprit. Alors, ce n'est pas par de la prière, par ceci, par cela. Il y a un paquet de choses qui sont intéressantes, mais ce n'est pas que par la prière, ce n'est pas que par la méditation. J'ai déjà dit souvent que c'est qu'un grand maître qui meurt chez lui dans un incendie, c'est un grand con. Le grand maître a une panne d'auto dans le parc des Laurentides, puis il faut quoi faire? Ben, il faut qu'il répare son moteur, il faut qu'il change sa roue, il faut qu'il se gratte le nez quand il y a un meringue et qu'il pique. Il faut qu'il continue à être normal, naturel. Alors, comment on arrive à être prêt à recevoir l'intelligence instantanée? Normalement, on continue à faire en plein ce que vous faites. Et puis, on continue à apprendre. À quoi servent les conférences, vous pensez? Les conférences servent à instruire votre ego que certaines choses se peuvent. Lorsque l'ego est instruit que ça se peut, il a moins peur quand ça arrive, donc il va moins résister à ce que ça arrive. Puis normalement, alors que l'ego sait, il libère le mental vers la quête. Puis le mental va faire la job. La personne qui se dit « On peut-tu se guérir tout seul d'un cancer? » Ben oui! Alors la personne va à une conférence où on parle pendant 2 heures de temps des guérisons du cancer par le vouloir de l'homme. À sort de là, elle n'est pas guérie, elle fait qu'elle peut dire à quoi ça servait. À rien. Son ego maintenant sait que ça se peut. Alors l'ego va désirer croire qu'elle peut, puis désirant croire qu'elle peut, elle libère les énergies chez l'homme qui peuvent le faire. L'ego ne le fera pas. Elle va dire, moi là, j'ai réussi grâce à ma pensée positive. Non, non, non, non. Tout ce que tu as réussi à faire avec ton désir, c'est de nuire à ce qui pouvait régler le problème. Puis quand tu sais suffisamment, ou quand tu es suffisamment occupé ailleurs, ben, le problème va se régler. À quoi servait la conférence? Instruire l'ego de l'homme que ces choses-là se pouvaient. Ce qu'on fait ici aussi. À un moment donné, il se passe quelque chose, puis tiens, il me semble que l'ego est plus sécure et il vous libère. La négoïsation, le savoir instantané et la parole ajustée sont-ils des phénomènes nouveaux dans l'histoire de l'homme mental? Ce ne sont pas des phénomènes nouveaux au niveau de l'individu, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un grand paquet de monde y auront accès. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Au lieu d'avoir un génie, une balle ou deux à tous les siècles, à un moment donné, il y aura des milliers d'êtres humains, des dizaines de milliers et à un moment donné, des centaines de milliers qui auront accès à ce savoir instantané. Donc, collectivement, c'est nouveau. Le savoir instantané peut exister sans qu'il y ait ajustement de la parole. Alors, pourquoi l'ajustement de la parole? Le savoir instantané peut effectivement exister sans qu'il y ait ajustement de la parole. Sauf que lorsque le savoir instantané s'exprime chez un être humain, nécessairement, sa parole va être ajustée. Il ne sera pas capable de conserver le contact dans l'action. Lorsque l'être humain a une parole ajustée, cela implique qu'il a une pensée ajustée. Cela veut dire qu'il pourra exprimer l'intelligence par la gestuelle comme par la parole. Comme, et pas nécessairement par, comme par la parole. Et l'un des meilleurs moyens pour permettre à l'humain de se rendre compte égoïquement et mentalement de quelle façon il se fait manipuler, de quelle façon il s'empêche lui-même ou on l'empêche collectivement d'atteindre l'intelligence instantanée, ben c'est en observant ce qui compte. On a un séminaire à Juppen, ajustement de la pensée, donc par la parole. On l'individu, ben, il commence à parler, fait qu'on lui demande son opinion sur les patates frites. Or, il nous dit, ben, moi, les patates frites, là, il dit, oui, on le sait que c'est toi. C'est pas nécessaire de dire, ben, moi, c'est toi qui parles. Ben, c'est mon opinion. Oui, on sait que c'est ton opinion, c'est toi qui parles. Je m'attends pas à ce que ce soit mon opinion quand tu le dis, je suis pas collectif. Alors, parle. Ben, tu fous dans tes mémoires, là. Tu peux pas être vivant. Ben, tu fous dans tes mémoires. T'exprimeras pas quelque chose d'instantané en fouillant dans tes mémoires. La patate frite est quelque chose qui... Tu fouilles dans tes mémoires. Alors, on a un petit appareillage qui permet à l'individu d'apprendre qu'il fouille dans les mémoires. Puis, à un moment donné, la personne, elle va être capable de dire, les patates frites, c'est quelque chose d'extrêmement bon. Puis, en même temps, elle va dire, elle parle. Extrêmement bon. Il y a de la gras, il y a du gras dessus. Ça dépend comment on les fait faire. Je pourrais même vous dire comment ça a été inventé les patates frites. N'est-ce pas? Les chips viennent des patates frites de toute façon. Et à un moment donné, ben, c'est lorsque la personne a corporellement besoin. Les patates frites peuvent être un problème pour elle. Sauf évidemment, ça les mange pas cuites. Bon, c'est moins pire. Elles sont plus frites, par exemple. Alors là, elle commence à y aller. Elle laisse juste passer une chose. Elle peut vous faire une dissertation de 2 jours, ces patates frites. On n'en vendra plus près. Alors l'ajustement de la pensée par la parole permet l'ajustement de l'ego. Et à un moment donné, on finit par être un véhicule qui permet à l'expression de passer. Un autre exemple. Qu'est-ce que je devrais faire avec telle chose, tel problème? Oh, la personne, elle a le contact, mais elle n'a pas de parole. Juste. Ben, tu devrais... t'es un peu, là, d'avoir le Mac, là. Ben, c'est ça, le contact est coupé. Je veux pas avoir fouillé en ses mémoires. Un autre exemple. J'ai vu une maudite belle montagne. c'est problématique. Parce qu'une maudite belle montagne... Ah oui, une montagne de roches! Non, non, t'as plein d'arbres! Parole ajustée, c'est compliqué. J'ai vu une montagne formidable. Formidable, c'est... L'homme nouveau va faire quoi quand il va parler à l'homme ancien? Il va dire, j'ai vu une montagne de 0 à 10, la formidable 5. Il va avoir une idée, l'autre. Mieux qu'une crise de belle montagne. Tu sais, moi, c'est à la voie de la montagne, je risque pas à la voie de la montagne. Ou encore un exemple, ton auto, tu la trouves comment? Oh, belle! La montagne, t'es pas belle. Ouais, si t'aimes pas son char, t'aimes la montagne. Les goûts sont divergents, fait que s'il aime son char, il aimera pas ta montre. Hein, vu que t'aimes ta montagne, t'aimes pas son char, fait que s'il trouve son char beau 10 sur 10, ben la montagne, elle est laide 0 sur 2. Alors, il y a des moyens d'ajuster, ce qui permet à l'être humain, à un moment donné, de communiquer sans toujours être en train de se chicaner à cause des mots. Ouais, mais t'as là, t'as dit ça, là! Pas ça, je voulais dire! Ouais, mais t'as dit ça, là! T'as pas assez de chicane comme ça? C'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi tu l'as dit? Pas ce mot-là que je voulais mettre. Pourquoi tu l'as mis? La parole ajustée te permet l'intelligence d'arrêter de chicaner. Quelle différence entre la négoïsation de l'haïtien fond et celle qui est faite pour fusionner avec son esprit? Parle du vaudou. Le vaudou, ce n'est pas de la négoïsation. Le vaudou, c'est de l'expulsion de l'âme dans un corps de l'homme. Être anégoïque demande qu'il n'y ait plus d'ego, mais ça demande qu'il y ait encore un âme, parce que c'est l'âme qui supporte le plan mental et c'est le mental qui supporte le contact supramental. Plus d'âme, plus de mental. Plus de mental, pas de contact. Ah, il y a une différence. La question pourrait se poser aussi, quelle est la différence entre celui qui est anégoïsé et celui qui est mort? Celui qui est mort, puis d'ego. Non, mais il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de vital, il n'y a plus de corps. Une différence majeure. Si on regarde le phénomène haïtien, ben c'est évident qu'on a des haïtiens qui vont être capables d'arriver à un contact supramental, puis qui vont arriver à se fusionner avec leur propre esprit. Et ça n'a pas rapport à la race. Quand on parle du vaudou, ben là, c'est autre chose. L'âme est essentielle. L'ego, c'est un problème. C'est très utile, très essentiel, mais à un moment donné, c'est problématique. Avec les gens, je dois faire des compromis pour dealer avec eux. Je me sens mieux seul souvent, plus centré. Comment arriver à aimer ce contact avec les gens pas centrés et avec lesquels je dois baisser énormément mes vibrations pour être en relation avec eux? Comment ne pas les trouver cons? Bon, premièrement, il faudrait que la personne cesse d'être aussi orgueilleuse. C'est la première chose. Les autres qui ne sont pas centrés, parce qu'ils ne sont pas centrés à ton goût. Un individu qui est alcoolique, qui fait juste boire, est peut-être 100% centré. Elle ne peut pas se centrer ailleurs. C'est elle. Alors, on va dire, ouais, mais pas centrée, ça serait centré, elle serait comme moi. C'est ça. Tout est la perfection même. C'est très important. Il y a des pièges mauditement subtils qui ramassent, qui attendent celui qui évolue. À un moment donné, tu vois un piège gros de même, tu t'as pris 15 ans pour le voir, puis quand tu le vois, tu te dis, tabarouette, comment j'ai pu faire pour... Là, maintenant, je le sais, là, j'ai tout vu, me faire plus fourrer. C'est le deuxième piège. Là, t'es en train de faire fourrer, mais tu te rends plus compte. Tiens, j'ai gros de même. Là, après un certain temps, oh non, non, là, je le sais. Là, je le sais. C'est le troisième piège. Quand tu sais, tu regardes plus, tu sais. Les professionnels, ils se blessent bien plus que ceux qui commencent. Alors, c'est ça qu'il y a. C'est que plus on se conscientise, plus les pièges sont subtils. Oui, mais moi, je t'ai évolué. Un gars qui est évolué n'a pas besoin de le dire. Quand le soleil se lève, ils n'ont pas besoin de l'annoncer. Hein? C'est un autre piège subtil. Il y a des petits pièges subtils à un moment donné. Le gros piège subtil pour vérifier quelqu'un, c'est qu'on a un qui a à dire à Joseph avec lui, il ne trouve pas bien intéressant. Puis à un moment donné, on commence à lui expliquer pourquoi il n'est pas évolué, puis il ne trouve plus intéressant. En partant, il était sur un piège subtil. Sinon, il dirait, ben, il dirait pas, ah, c'est une opinion, on ne me dérange pas. Non, si tu dis ça, c'est que ça te dérange. Sinon, ben, il ferait ce qu'il a à faire. Je ne vous dirai pas comment, parce que vous allez l'apprendre, il y en a qui vont le jouer. Alors. Avec les gens, je dois faire des compromis. Ce ne sont pas des compromis. Avec les gens, je dois m'ajuster. Sachez une chose, c'est que les gens décentrés doivent s'ajuster et prendre autant d'efforts pour s'ajuster à vous que vous à eux. On appelle ça de l'ajustement. Vous respirez l'air qu'il y a à respirer. Ce n'est pas un compromis. Vous n'avez pas le choix. C'est évident, vous pouvez vous acheter une bonbonne d'oxygène, vous foutre un masque sur le nez, puis le dire, j'ai le choix, je respire rien que ça. Mais c'est les êtres humains décentrés qui vont la remplir, ta bonbonne, pour te permettre de rester centré. Puis t'es pogné avec un maudit handicap que les autres n'ont pas. Il faut faire bien attention. Ce ne sont pas des compromis pour dealer avec eux. Non, non, non, non. On s'ajuste. Moi, je m'en vais quelque part, je m'en vais au garage, je dis au pompiste, au premier clic, t'arrêtes. Sinon, ça coule à terre. Puis là, le gars, glag, glag, glag, glag, glag, glag, glag, glag, clic, glag, glag, glag, glag. Là, je paye avec une carte de crédit, c'est pas nécessaire d'arrondir les selles. Oh, je connais ça! Ton type, là, c'était en train de le mettre dans mon char. Là, il y a des chances qu'il arrête. Ben ouais, j'ai pas assez d'argent, fait que s'il met 2 gallons de plus, ben, je vais payer avec l'argent du type. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, puis je c'est pas compromis, puis je suis en train de dealer, je m'ajuste. L'être humain a le droit d'être ce que l'être humain est. Ouais, mais il comprend pas que s'il comprend pas, c'est qu'il a pas l'énergie pour comprendre. Il est au même niveau par rapport à ce qu'il comprend pas que toi t'es par rapport à ce que tu comprends pas. Mais ce que tu comprends, c'est pas ce que lui comprend. Mais une chose certaine, c'est que tu comprends pas tout, puis lui non plus. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que les autres comprennent pas. Moi, je leur dis souvent, mais si les autres comprennent pas, puis tu comprends pas, mais si tu as d'autres pour comprendre pourquoi ils comprennent pas, ils ont d'autres pour comprendre pourquoi tu comprends. Hein? C'est un fait. Comment ça se fait qu'ils comprennent pas ça? Moi, je peux dire, comment ça se fait que tu comprends pas qu'ils comprennent pas? Faites tous les deux pareil. Comprenez pas quelque chose tous les deux. Pas la même chose. Mais quand même. Bon. C'est de rire, vous me faites rire. Alors, je dois des gens pas centrés avec lesquels je dois laisser baisser énormément mes vibrations pour être en relation avec eux. Et imaginez-vous que s'il faudrait que je baisse les vibrations pour être en relation avec quelques-uns qui sont ici à soir, je ne serais même pas en état de faire une conférence. On baisse pas ses vibrations pour travailler avec un autre humain. Ou on se laisse têter, ou on ajuste les choses. Mais on baisse pas ses vibrations. Comment un être humain peut-il penser que volontairement il baisse ses vibrations? Est-ce qu'il dort instantanément quand il se couche? Snash! Il y a un instant dans la maison d'à côté, tous tes voisins regardent le spectacle, lui il se couche puis il dort. S'il fait ça, il joue avec ses vibrations, puis c'est parfait. Mais normalement, s'il fait ça, il va arriver à ajuster sa parole, puis il n'aura pas de problème à vivre avec l'homme normal. C'est ceux qui ont la conscience d'évoluer, qui ont l'impression que les autres n'évoluent pas. Celui qui a la conscience d'évolution a nécessairement pour les autres la conscience d'évolution. Moi, je n'ai pas l'impression que j'évolue. J'ai l'impression que les choses s'améliorent comme elles doivent s'améliorer. Et je sais, en observant autrui, qu'eux autres aussi, ils n'ont pas le choix, ils sont pas dans le même jeu que moi, ils évoluent malgré eux. Alors, de là à dire qu'à un moment donné, parce que, tu sais, je mange beurre de peanuts, puis je le sais pas, la journée que je découvre que j'en mange, je regarde le voisin, puis là, je découvre qu'il en mange pas. Fait que là, je trouve que lui, il est pas correct. Parce que s'il est correct de pas en manger, je risque de pas être correct d'en manger. Parce qu'on est collectif. Puis si on est individuel, ben c'est correct qu'il n'en mange pas, puis c'est correct que j'en mange, puis je veux dire, il n'y a aucune question à poser là. Alors, faire attention aux pièges subtils qui attendent celui qui évolue. Il apprend des choses, des fois. Il apprend des choses qu'il ne comprend pas toujours. Et parce qu'il a appris, il est convaincu qu'il a compris. Compréhension, c'est pas l'apprentissage. Attention. Mettre le médicament dans un corps, c'est pas guérir le corps. Il faut que le corps assimile le médicament maintenant et qu'il sache s'en servir. La compréhension n'a rien à voir avec l'apprentissage. On apprend qu'est-ce que c'est qu'être humble. Et bien souvent, parce qu'on l'a appris, on a plus de problèmes. Ceux qui sont humbles et qui s'en vantent, ils ont un gros problème. Est-ce que l'enfant a plus accès au savoir instantané que l'adulte? Non. Non, parce que l'enfant a plus accès à devenir un homme nouveau, mais il devra lui-même passer par les mêmes principes que vous. Il devra nécessairement se créer une âme, mettre de la mémoire là-dedans, bâtir un ego. L'enfant nouveau a une identification, une crise de l'adolescence psychologique vers l'âge de ses 7-8 ans, ce qui déroute carrément présentement tous les pédagogues. Il aura sa crise biologique vers entre 10 et 15 ans, selon le sexe et l'enfant. Mais psychologiquement, ça ne se fera pas comme vous l'avez vécu en même temps, vers l'âge de 12 ans en moyenne. L'enfant va vivre des étapes plus rapidement. Il aura de l'ego, il aura de l'âme, il aura des désirs, il aura des frustrations, il se lasse de l'énergie, il ne succédera pas, il va continuer à fonctionner. Et là, il pourra avoir accès à un savoir instantané plus rapidement. Si on calcule disons qu'on est à 4,5 milliards d'années de vie de notre système solaire, s'il arrive 10 ou 20 ans avant vous autres, sur 4,5 milliards d'années, est-ce que c'est plus vite ou plus pareil? Je vous laisse décider s'il vaut plus vite ou pas. Les enfants surdoués possèdent-ils le savoir instantané? Pour atteindre le savoir instantané, l'enfant a besoin d'acquérir des connaissances. Il y a beaucoup d'enfants surdoués qui n'ont rien à voir avec l'enfant nouveau. Ils ont une facilité biologique et neuronique à entrer en contact avec les mémoires du monde astral, du monde collectif, donc le monde de la mort ou le ciel, les annales akashiques des hindous. Et ça lui permet de pouvoir aussi légiférer plus facilement dans certains contextes. L'enfant nouveau, lui, sera surdoué dans tout ce qu'il aimera. L'enfant surdoué, lui, sera surdoué quelque part, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Une différence. Alors, on prend un enfant nouveau qui est zéro en français, par exemple, à l'école. Il tombe en amour avec son professeur. Vous allez voir ses notes faire chut. On prend un surdoué en mathématiques. On met une classe de français qui aime le prof, qui n'aime pas le prof. Il va faire des mathématiques. Il n'arrivera pas à être bon à autre chose. Alors donc, il y a une différence majeure entre l'enfant nouveau qui sera surdoué dans ce qu'il aime et l'enfant surdoué qui est simplement biologiquement axé à faire certaines choses. Le fait que l'on s'ajuste à quelqu'un, que l'on ait même simplement la pensée de devoir s'ajuster, prouve que l'on n'est pas ajusté. Le fait de s'ajuster devrait-il se faire inconsciemment ou instantanément? Parfait, merveilleux. Le restant, je ne comprends pas. Lorsque l'être humain doit penser à s'ajuster, cela prouve qu'elle n'est pas ajustée, c'est un fait. Il y a chez elle cette partie mentale qui maintenant commence à observer ce qui se passe dans le vivant chez elle. Égoïquement, elle n'est pas ajustée, le mental vibre et observe et constate qu'il y a manque d'ajustement. Alors, l'ego, se servant de l'observation mentale, se dit, par rapport au concept, ce qu'il a appris, et c'est pourquoi les conférences deviennent mauditement utiles, il se dit, ouais, là, je ne suis pas ajusté. Il est mémoriel, il est mort, c'est pas grave. Se disant cela, il va permettre au mental de faire l'ajustement. Et pendant l'ajustement, là, elle sera vivante. C'est pourquoi c'est bon d'apprendre des choses pour arriver à se libérer. Une personne veut apprendre le piano, mais elle sait que ça va y prendre un bon 2 ans, elle lui soit dans bien les livres. Voilà, elle s'autorise à être bonne après 2 ans. Un autre peut s'autoriser à être bonne après 6 mois. Alors, si on instruit l'ego de certaines choses, l'ego libère les capacités chez l'homme lorsqu'il pense que ça se peut. Croyez-y, vous aurez des chances d'y arriver. Mais croyez-y une fois, croyez-y pas tout le temps. Comme on dit, t'es dans un incendie, là, tu regardes tout ce qui brûle, tu dis, je crois que le moment sortir. Bon, parfait. Maintenant, cesse d'y croire, sort. Qu'est-ce que je veux dire? La personne qui croit qu'elle va guérir puis qu'elle passe ses journées à dire, on va guérir, elle fait juste exprimer à l'univers, je suis malade. Parce que si elle serait pas malade, elle dirait pas, je vais guérir. Crois-y, puis oublie. Quand tu seras guéri, tu ne seras pas terrorisé par ce qui t'arrive. Tu dis que l'être anégoïque ne se pose pas de questions, qu'il le vit simplement et d'une façon instantanée. Mais nous, qui sommes en recherche d'amélioration... Le « nous » prouve l'idée collective encore de l'homme. Quand je dis d'ajuster, mais moi, et pas nous, c'est sûr que c'est moins souffrant que tout le monde soit comme ça. Je ne réponds pas tout de suite à la question, mais je réponds à une chose que la personne a besoin de savoir. Il y a beaucoup de personnes qui me disent des fois, « Ouais, mais tu sais, tu dis toujours l'humain, l'homme, vous. Tu dis jamais « nous ». Ben non, effectivement. Faudrait que je dise « nous ». Ben, il me semble que ça serait plus... T'en as besoin pour mieux écouter ce que je dis. Ça ne change rien ce que j'ai à dire. Ouais, mais on dirait que t'as pas besoin de vivre ce que tu nous dis. Puis si c'est vrai, ça va te faire chier. Ça va t'empêcher de venir écouter. Puis même si ça serait pas vrai, le médecin qui te dit « arrête de fumer », est-ce que tu vas arrêter de fumer? Ou tu vas dire « ouais, ben lui, il continue, ben moi aussi ». Laisse-le faire, le médecin. C'est intelligent ce qu'il dit, fais-le. Nous sommes pris dans... Non. Si vous êtes pris, si l'individu, nous sommes là-dedans, la journée va commencer à évoluer, il va regarder les autres, il va dire « crème, nous n'évoluons pas plus ». Alors nous sommes toujours pognés. Comprenez? C'est pour ça qu'ajuster la parole, c'est mauditement important. La journée qu'il va finir par dire « moi, je », à un moment donné, il va regarder les autres, il va dire « tiens, les autres, ils le font pas. Et moi, je vais continuer à le faire. » Parce qu'il aura une parole ajustée. Ça ajustera sa pensée. C'est comique, mais c'est pas drôle. Qui sommes en recherche d'amélioration, d'observation sur nos comportements, sommes constamment à nous poser mille et une questions. Est-ce une étape obligatoire, une simple illusion? C'est une illusion quand on compare la chose à la réalité cosmique. C'est une réalité lorsque l'on compare la chose à la réalité de l'homme. Tout est illusoire, mais tout est relatif. Donc, une illusion est un phénomène vrai pour celui qui le vit et faux pour celui qui ne le vit pas. Attention avec le mot illusion. Est-ce qu'on doit se poser toutes ces questions? Mais oui, parce que ces questions-là sont la preuve que vous avez un mental en train de légiférer sur des choses. Et le mental est encore assujetti à vos désirs émotifs, désirs de connaître, entre autres, qui amènent la sécurité. Ben, il place des informations que vous avez en mémoire et tous les trous qui lui manquent, pour mettre ça logique, c'est la question. Et c'est un travail mental absolument génial, utile et efficace. Vous continuez à le faire, sauf que votre ego ne doit pas se prendre au sérieux au point d'exiger la réponse. Posez-vous les questions que vous voudrez, mais ne pensez pas avoir toutes les réponses tout de suite. Ouais, mais à quoi ça sert d'évoluer? Pose pas ce genre de questions-là. Ou pose-toi là, puis dis-toi, je ne sais pas. C'est pas une raison pour arrêter. En évoluant, je le saurai peut-être. Alors, posez-vous les questions que vous voulez, puis quand la réponse vous a... quand le manque de réponse fait naître une fièvre de l'évolution, c'est le temps de lire un Astérix, c'est le temps de manger un cornet, c'est le temps de faire quelque chose, parce que là, vous prenez au sérieux dans votre évolution. C'est comme si vous disiez, je suis tellement important que j'ai le droit de savoir ça, de mettre là. L'univers, il te regarde, puis il dit, tiens, il y a une mouche quelque part, là. Elle a pas des ailes, puis elle vole pas, là. L'univers, il enverra pas un peu plus d'air pour qu'elle vole. Même si la mouche prie l'univers de lui envoyer plus d'air, plus d'énergie ou plus que vous voudrez. Alors, qu'elle lâche le sol avec ses papas, puis qu'elle va voler tout de suite. D'ailleurs, il y a assez de vent sur la planète que même si elle ne bat pas des ailes, elle va voler pareil. Alors, l'être humain, à un moment donné, il se prend au sérieux un peu trop. Alors, posez-vous les questions. Si vous avez la question qui vient, c'est parce que vous avez la vibration pour comprendre des choses. Et parce que vous tenez absolument à avoir la réponse dans vos mémoires. La question naît du fait que vous n'avez pas la réponse dans vos mémoires. Alors, fouillez dans vos mémoires pour avoir la réponse, c'est vous assujettir à vous inventer des réponses, l'illusion. Puis bien souvent, à souffrir de la fièvre, de l'évolution, où on a plein de questions sans réponse. Pose-toi la question, puis tu dis simplement, à quoi sert l'évolution? Il n'y a rien. Bon. Alors, on va-tu ouvrir à soi? À un moment donné, à quoi sert l'évolution? L'évolution sert! Bon, tu commences à vouloir répondre, c'est bon. L'humain va dire, ouais, mais tu sais, je ne suis pas pour dire l'évolution sert, je suis très bien, je ne répondrai pas. Prends-toi au sérieux encore, tu n'as pas confiance en ce que tu es, tu préfères avoir confiance en ce que tu étais. C'est pour ça que quand on fait encore l'ajustement de la parole, ben, on finit à pousser la personne à dire des conneries. L'évolution, ça ne sert à rien, étant donné que rien ne sert à parle. À un moment donné, tu auras vidé la cornemuse qui est pleine de ta mémoire de pensée, là. Puis, il y a des choses qui vont sortir. Et des personnes, une personne, à un moment donné, on faisait ce séminaire. Et puis, je lui demande, quel est le lac le plus haut au monde qui contient de l'eau salée de la mer? Ben, nomme des lacs. Bon, disons, tiens, un lac comme... Ben oui, parle. Bah, le lac Titicaca. Là, je dis, prends un encyclopédie, va vérifier, t'as raison. Oh, mais c'est un hasard! Laisse faire l'encyclopédie. Oh, Bobin. L'être humain veut pas pouvoir. Richard Bach dit que certaines personnes choisissent la Terre comme on choisit un cinéma. Un chemin pour évoluer. Puis-je quitter ce cinéma et décider d'évoluer autrement ou, une fois mon choix fait, serais-je forcé d'assister au film Terre ad vitam aeternam? Amen. Donc, devrais-je ad vitam aeternam? Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est ainsi, toi, c'est... Alors, on n'a pas amen après, tu sais. Est-ce qu'on va te payer tout à souffrir comme ça? Qu'il en soit d'ainsi. Faut ajuster. Oh, mais c'est une façon de parler. C'est une façon de penser aussi. C'est donc une façon d'agir. Je te laisse le temps. Ce que Richard a exprimé dans ses livres, c'est une coloration d'un contact supramental que lui n'a pas consciemment eu. Et c'est absolument génial. Lorsqu'il explique le phénomène du cinéma, c'est pour faire comprendre à l'homme qu'il ne doit pas vivre dans un contexte collectif, mais individuel. Alors, à un moment donné, Donald demande à Richard, « Est-ce que selon toi, tu vis dans le même monde que tout le monde? » Alors, Richard répond « Oui ». Alors, Donald lui donne de la marde, ce qu'elle veut dire, un coup de matraque, puis lui dit, comme ça, t'es convaincu que 3 millions d'humains qui volent dans ton avion et qui te pilotent à la même place que toi, qui sont aussi les mêmes culottes? Ben non, c'est ça que je te dis. Tout le monde vit individuellement, étant convaincu qu'on vit collectivement. Le phénomène du cinéma, c'est intéressant. Ce que Richard explique là-dedans, Donald Simoda, n'est-ce pas, c'est le bonhomme qui apparemment rencontre dans le livre Le Messie, qui est une finalité, disons, de Jonathan Livingston. Le cormoran, je ne sais pas les pays, mais les personnes qui ont été adaptées. Bon. Et lorsqu'on parle de cinéma, faut comprendre qu'effectivement, tu es l'acteur, tu es le metteur en scène, le réalisateur, tu es aussi le spectateur. Mais tu ne détermines pas l'intensité de la lumière, la vitesse de la projection du film, la qualité de la toile ou de l'écran sur lequel il sera projeté, de tous les personnages qui vont venir faire de l'ombre devant la projection. Et à un moment donné, s'il n'y a pas un deuxième film qui va se projeter en superposition sur le tien, colorant toute ton onde d'illusion. Alors, il faut faire attention. Se choisir un autre monde, non. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous inventer un avenir dans votre tête. Vous pouvez aussi vous inventer un passé. Et vous ne serez pas menteur si vous cessez de savoir que vous mentez. L'illusion sur laquelle l'homme peut jouer s'arrête là. Alors, ce que Donald explique à Richard et ce que Richard explique au public, c'est que l'être humain vit d'une évolution individuelle et bien qu'il se pense toujours collectif, nous avons ces problèmes, nous faisons telle chose, oui, mais on est normal, es-tu heureux, bah, comme tout le monde, etc. L'être humain évolue d'une façon individuelle. Vous avez tous vos points de vue et vous devriez vous en servir. Quand je dis tout à l'heure qu'à un moment donné, une opinion apparaît chez vous, vous ne devez pas demander à l'autre son opinion, son point de vue. Lui voit la montagne de ce point de vue-là. Vous êtes un pied à côté, vous n'avez pas la même vision. Elle sera semblable, ce n'est pas une raison pour le changer. Alors, chacun a son monde, puis chacun doit travailler dans le monde qu'il a. Si tu veux savoir de quelle façon est la montagne du point de vue du gars qui est l'autre bord, va l'autre bord. Là, tu auras le point de vue. Comment avoir des enfants peu anégoïsés alors que les parents trouvent que leurs enfants sont les plus beaux, les plus ci et les plus ça, et font leur fierté? Attention, les parents trouvent que les enfants sont les plus beaux quand ils en parlent aux voisins, pas quand ils en parlent aux enfants. Alors, quand on en parle aux enfants, c'est les enfants des autres qui sont plus beaux. Bon. Quand on en parle aux voisins, c'est nos enfants. Bon, alors comment avoir des enfants un peu anégoïsés? Tu sais, je vous donnerai pas des recettes pour commencer à bâtir des enfants nouveaux. L'enfant nouveau, il est ce qu'il est. Une chose certaine, bon, j'ai fait des conférences sur le phénomène de l'enfant. Prochainement, je crois que c'est le 7 juin, je ne suis pas sûr, j'ai fait une conférence un dimanche, vivre avec l'enfant nouveau. Les personnes qui ont posé quelques questions, qui veulent en savoir plus, ben, ça sera plus le temps de revenir. D'ailleurs, la conférence est finie, on n'aura pas le temps de poursuivre. Il y a quelques conférences que j'ai faites sur l'enfant nouveau, mais on ne peut pas dire, bon, l'enfant nouveau, c'est ça, ça, ça, ça, ça. Bon, mon petit maudit, donc comment ça se fait? C'est un enfant nouveau. Non, l'enfant nouveau, c'est un mot qui ne doit jamais servir par un enfant. On ne le bâtit pas à un niveau stéréotype.